c'était Julia the Wrong Eyes. Wrong Eyes avec Love and Leaving. Assemblage Rocky, non, on ne vous laissera pas tomber aujourd'hui. Non! On va être là. On remet le contenu à plus tard un petit peu parce qu'on commence mollo l'année. Exactement. Hein? On écoute de la musique, puis on aime ça, une fois de temps en temps. Puis quand on revient après un long congé, il y a souvent pas mal d'affaires à réparer. Oui, en effet. quelques petits problèmes techniques. On s'occupe de tout! Mais oui, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, on va entendre une autre pièce. On écoute Alice et moi. Voici Filme-moi. Hein? Filme-moi comme une web télé, là, comme une station de radio, ouais, qui se prend une TV. Hein? C'est même. Qui ferme, qui sac les gens dehors. Oh, Mathieu. Parle de CIB, excuse-moi. On en reparlera tantôt. Laissez-moi avec la pièce Filme-moi. Ah, assemblage Rocky. Mais. Marque pas, Mathieu. Oui. Et ça va bien aller aujourd'hui. Ben oui, ça certainement. Va bien aller. Voici son foutu palmarès. C'est la chronique où on s'établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Mm-hmm. Hein, c'est le fun, ça. Commençons par... on va parler de drôles de choses aujourd'hui. On va commencer par ce qu'on a... ce qui a fini par être pris dans notre trou de pète. Oh, d'accord. L'an dernier. D'accord. Ouais. L'an dernier. L'an dernier, en 2017. Je sais pas pour toi, mais non, moi, mais... j'ai mis là-dedans. Là. Ben, peut-être un peu, le rhume, des fois. Mais... mais oui, il y a des gens qui se sont mis des choses dans le rectum. Ben oui, certainement. D'après moi, c'est les choses les plus drôles que tu pourrais demander à des infirmières à l'urgence. Absolument. Ben justement, on leur a demandé. Hein? Ça vient du US Consumer Product Safety Commission. C'est la base de données des visites dans les salles d'urgence. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir, ce qu'on s'est pris dans le rectum et ailleurs. Hein? On va commencer ailleurs, ça va être plus facile de commencer par le haut du corps, dans les oreilles. Oh, dans les oreilles? Qu'est-ce que tu te mets dans les oreilles qui peut rester pogné là, selon toi? Des Q-tips. Ben, pas mal, des Q-tips, moi, ça serait pas mal. De la ouate? Ah, peut-être. C'est pas mal les seules choses que je me mettrais dans les oreilles. Il en manque tellement. Ouais. Non. Je sais pas si tu fais ça, mais il y en a qui ont quasiment un orgasme en se mettant une bobépine dans l'oreille. Ah, pardon? Ouais. Non, ça, écoute, j'aime bien les petits frissons que ça te fait avec le Q-tip. Oui, c'est ça, mais pas de bobépine, non. Non. Ensuite, un petit jouet rouge. Ah, OK. Ça dit pas de quelle forme. Non, c'est ça. Ensuite, l'autre personne dit qu'elle courait avec un bâtonnet dans l'oreille et puis qu'elle est tombée contre un mur. Ah! Oh! Fait qu'elle s'est défoncée d'un pain. De quoi, je sais pas, oui. Oh mon Dieu! Ensuite, du pain. Hein? Du pain? Je sais pas. T'sais, il y avait pas de bouchon. Il utilisait du pain. Ça doit être ça! Probablement. Une batterie. Les 3A sont quand même petits. Ouais, ok, j'avoue. Ouais. L'autre s'est endormi avec un crayon dans son oreille droite. Hein, donc, ça a poussé dans son canal auditif. Je sais pas. Oh trop. My god, mais comment est-ce que tu peux ne pas te réveiller à ce moment-là? Je sais vraiment pas. Ensuite, tu sais, sur un balai, t'as comme des petites pailles. Oui. Des fois, les vieux balais là, en paille. Ouais. Ça dans l'oreille. Oh, ouais. Non. Une petite rotte de métal. Ah, ok. Hein? Ouais, pourquoi pas. L'autre qui a mis du papier essuie-tout dans son oreille pour faire un bouchon parce que l'autre personne dans son appartement, son coloc, ronflait et était incapable de retirer l'essuie-tout de son oreille. Pauvre personne. Du poté. OK. Une fève. Ben oui, une petite fève. Ouais. Du gaz dans son oreille gauche pendant qu'il changeait son filtre à gaz. C'est pas eu un petit trip? Ah, je me demande bien ce que ça ferait si je me mettais ça dans l'oreille. Ben oui. C'est sûr. Ah non, c'est un méchant trip, ça. Ensuite, tu sais, les petites retailles quand tu aiguises ton crayon plomb. Ben voyons, les gens sont bien bizarres. Ouais. La branche d'une fleur de plastique. Encore une fois, c'est des gens qui voulaient se gratter l'oreille. Ouais, ça, c'est l'autre. Sûr, c'est sûr. De l'eau de pluie. Je sais pas s'il y a quelque chose de chimique dedans. Ouais, de l'eau de pluie. Peut-être que ça vient coincer dans l'oreille, contrairement à de l'eau plus... Peut-être. Plus, comment dire, potable. Deux autocollants collés ensemble. J'imagine rouler sur eux-mêmes. Ouais, probablement pour justement aussi faire comme un cure-oreille. Peut-être que c'est ridicule. Et tu sais, les petits yeux googly eyes. Oui. Les petits yeux qui brassent. Hein? Bref, dans son oreille droite et une autre par le nez. Ah, ben voyons donc. Ouais, je te jure. Justement, parlant de nez, qu'est-ce qu'on se met dans le nez et qu'on n'arrive pas à retirer à ton avis? Absolument rien. Je me mets rien dans le nez. Si vous êtes déjà à vous mettre un Q-tip dans le nez, hein? Arrêtez. Ouais, c'est ça, arrêtez. Ça va aller. Des enveloppes, des emballages de bonbons. Qu'on a retrouvé. Ben oui, rien de moins. Des boules de bricolage, donc j'imagine des petites boules de. Je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être, là, des petites affaires poilues en bricolage. Ah mon Dieu, oui, tu sais, lesquelles avec. On pouvait faire du scrapbooking quand on était jeune. C'est du feutre? Non. Pas vraiment, non, c'est vraiment des petites boules style poilu, là, comme tu viens de dire. Voilà. Ensuite, un jouet de plastique dans les deux narines. Ah, franchement. Pourquoi te contenter d'une seule? De la gomme. Un ballon rose. Ben oui. Une mode de poêle. Arc. De cheveux, je sais pas. C'est quoi, tu veux savoir qu'est-ce que ça sent, puis tu l'aspires. Voilà, si tu veux vider ta douche ou ton drain de bain. C'est quelque chose de dégueulasse, c'est bien oh, ça. Oh, c'est dégueulasse. Ensuite, une personne qui tenait une boîte de jus, tu sais, un petit jus en boîte pour les lunchs, là. Ouais. Et la paille lui montait dans le nez. Ah, mais non, mais là, attends une minute, là, pour que la paille rentre dans le nez, là, ben profond, faut là. Tu l'as mis, là. Faut que tu la pousses. On s'entend. Ou t'as un nez vraiment étroit. Peut-être, mais non. Mais non. En tout cas. C'est difficile de le rentrer dans la boîte de jus. Ouais, essaye dans un en tout cas. Dans ton nez, pas sûr. Un pendentif de collier en forme de cœur. Rien de moins. Ben oui, c'est la chanson rêvé. De cœur de tantôt. C'est ça. La personne a joué avec un 10 cents par-dessus sa tête et a regardé par en haut et la pièce de monnaie lui est tombée dans le nez. Il faut vraiment qu'il y ait des grosses narines. Non, mais c'est parce que c'est impossible. La personne raconte ça, mais c'est impossible. Comment est-ce que tu peux? Un 10 cents, c'est quand même gros. Mais tu sais... Je suis là, puis j'essaie de voir jusqu'à quel point est-ce qu'une narine peut comme s'ouvrir. Tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui ont des grosses narines, mais de là à ce que ça tombe dans ton narine par le ciel... Ah non, il ment. Il ment. C'est sûr. Ensuite, une autre pin pour les cheveux, un genre de bobby pin dans la narine en essayant de nettoyer, d'enlever un caillot de sang à cause d'un segment de nez. Oh, ouais, OK. Quelle mauvaise idée. J'aurais pas été avec des bobby pins. Non. Je comprends que tu veux vraiment te débarrasser de ce caillot-là, le caillot. Sauf que caillot est là pour une raison. Toi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non. Non. De la gravelle dans un aquarium qu'on s'est pris dans le nez en 2017. Ça, je suis sûr, c'est un enfant, là. Peut-être, oui, ça se peut. Tu sais, clairement, là. Si t'es adulte puis tu fais ça, laisse-moi te juger. Ou un chat. Un truc pour pêcher, là, comment on appelle ça, un crochet. Oh mon Dieu, un hameçon. Un hameçon, ouais. Incroyable. Je suis allée pêcher pour la première fois durant le temps des fêtes. Raconte-nous ça. Et je me suis hameçonné le doigt. Alors, j'ose même pas imaginer s'hameçonner, genre, l'intérieur de la narine. C'est pas une marque de téléphone, s'hameçonner. Dis-moi les mots qui ça me sent. Oui, exactement. C'est le fun, t'as eu du plaisir? Ah, j'ai eu beaucoup de plaisir. Une nipple de petite bouteille pour enfant. Tu sais, la tétine. Le biberon, là. Le biberon. Oh my God, pourquoi tu mets ça dans le nez? Tu mets ça dans le nez, puis ça pogne, là. Ça arrive. T'as le nez qui coule, tu peux pas. Ben, tu sais, je comprends ça en ce moment, hein, tu sais, j'ai le rhume, mais. Oui. Et finalement, un aimant dans chaque narine. Ça, c'est complètement stupide. Hey, est-ce que vous saviez que si t'aspires cet aimant-là, ça peut monter jusqu'au cerveau? Arrête, non! Ben oui! Ben voyons donc! Ça peut faire une hémorragie! Ah! Non, faites pas ça! Franchement, c'est pas intelligent ce matin! Mais c'est cool d'avoir les deux narines qui collent ensemble, mais. Mais ouais, mais. Non! Parce qu'en théorie, en a oui, t'es rejoint au milieu! C'est ça! C'est la paroi, là. Tu sais, non. Non. Alors, dans la liste des choses qu'on s'est pognées à quelque part, on va se rendre jusqu'au rectum à la fin. Ben oui, hein? Ben oui, certainement. Mais on descend un petit peu avec la gorge maintenant. OK. Tu sais, les trucs pour attacher les couches. Les petites aiguilles pour attacher les couches. Oh, non. Comment t'appelles ça? Ah, oh, tu sais, on la tient tout le temps un petit peu par la bouche, ouais. Là. Ouais. Directement dans la gorge. Ça doit pogner. Non. Une cigarette, pas mieux. Pas non, mieux. Ça, j'avoue. Ça dit pas si c'est allumé. Non, c'est vrai. Quelques morceaux de verre provenant d'un vase décoratif. OK. Une clé de journal intime. Oh my God. Hey, la personne voulait vraiment pas se faire lire son journal. Un œuf de Pâques. OK. Ouais. L'autre a avalé des agrafes parce que des extraterrestres lui ont dit de le faire, tu sais. OK, c'est ce genre de personne bien, là. Un thermomètre d'aquarium. Un thermomètre, c'est long, là, un d'aquarium. On s'entend que c'est comme avaler une épée, ça. Oui, c'est ça, je voulais dire. Il voulait faire le test, mais pas se déchirer l'intérieur encore. Il voulait savoir la température dans sa bouche. C'est ça. Versus notre studio à 16 degrés. Franchement. L'autre a avalé des boucles d'oreilles dans son sommeil. Ses boucles d'oreilles étaient dans sa bouche quand elle s'est endormie. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Une aiguille à tricoter. Non. Non, non. Hey, ça doit tellement faire mal, à coudre. Ça. À coudre. OK. Mais bon, il y en a sûrement une à tricoter aussi plus tard. Et j'espère pas. Ensuite, l'autre personne a avalé un stylo parce que personne ne lui portait attention. Pas le stylo, mais lui. Il est cool quand t'as besoin d'attention à ce point-là. Hein, Regarde-moi. Qu'on jase. Ensuite, ça, j'ai aucune idée ce que c'est. Je vous lis quand même. Angel's Trumpet Seed Pods. Donc, j'imagine des trucs pour faire pousser des graines dans de la terre. J'imagine que c'est quelque chose comme ça. Peut-être Angel's Trumpet, c'est pas une sorte de pâte. C'est possible. Ouais. Est-ce qu'on cherche? On prend le temps de chercher, on a le temps. Angel's Trumpet, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est bien des plantes. Ouais, c'est des graines. Ah, OK, c'est ouais. Ça. Ben oui. Ensuite, toujours dans ce qu'on s'est fait prendre dans la gorge en 2017, des grits, c'est une recette américaine dans le sud, là, c'est comme fait avec des patates, quelque chose comme ça. OK. Ensuite, une scène noire bien brillante. Ben, rien de moins. Ensuite, quelqu'un qui faisait un truc de magie, un tour de magie, et accidentellement a avalé un 25 cents. Ah ben oui, tu sais, le truc là, que tu fais semblant justement d'avaler le 25 cents, faut pas que tu l'avales. Faire attention. C'est ça le truc. Ben, si tu peux faire apparaître un 25 cents de quelque part, mais ça prend comme 2-3 jours. Ouais, c'est ça, exactement. Ça se peut que ça fasse mal. Mais ça plie, c'est correct. Ça fait moins mal qu'un vrai 25 cents. Ensuite, il y a des affaires que je comprends pas. Grow capsule, j'imagine que c'est une capsule pour peut-être faire pousser les cheveux ou ouais, peut-être. Quelque chose comme ça. Bref, une capsule de quelque chose. Hein. Non, Magic Grow, je pense que c'est des trucs que tu mets dans l'eau et que ça grossit. Ah! Ouais, c'est des jouets pour enfants. Oui! Ah! Tu sais, il y avait des dinosaures comme ça quand ils ont. C'est exactement ça. Des animaux du safari. Ben voyons, qu'est-ce que tu fais? Mettre ça dans la bouche. Des confettis. OK. Ouais. Un mariage, tu fais comme ouais, ah, c'est ça. Après, tu restes pris de même. L'autre a avalé un demi-paquet de gomme. Ouais. La personne a avalé un demi-paquet de gomme chez elle, la personne, et il y avait des emballages de gomme un petit peu partout dans l'appartement, donc j'imagine que la personne s'est étouffée avec un demi-paquet de gomme. My God! Tu t'arrives 2-3, c'est assez. Hey, faut pas que tu sois stable. Hein? Ensuite, des paquets de sauce piquante. Franchement. Ouais. L'autre, c'est blessé après avoir mangé le bout qui sert de recharge pour ton téléphone cellulaire, le bout du fil. Genre le port lightning ou je sais pas quoi. Là. Genre, est-ce qu'on peut te juger? Vraiment. L'autre a avalé des push-pins, des punaises de babillard. Oui. Parce que quelqu'un lui avait demandé de le faire à l'école, c'est genre le petit défi. Oui. La personne a gagné 15$ en revanche, mais... Mais ouais, mais tu sais, t'es probablement perforé tout l'œsophage, là. C'est ça. Des détails. Franchement. Et l'autre, c'est earwig, c'est des dermaptères, c'est une sorte d'insecte. Ah, oh, OK. Qu'on a trouvé dans la gorge de quelqu'un. Ensuite, on continue. Ça m'a donné quelques frissons. Ah oui, l'image n'est pas très belle en plus. Non. On continue, c'est la liste des choses qu'on s'est fait prendre à avoir de prix dans quelque chose. Certains endroits du corps. Les orifices. Pas nous, personnellement, non. Mais certaines personnes à l'urgence. C'est ça, et c'était en 2017. qu'est-ce qu'on a réussi à se faire prendre dans le pénis? Ah, il y a des choses surprenantes. C'est un petit trou. À écouter des émissions de médecins, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer là-dedans. Exemple. Devine-en un. Une paille. Ouais, dans une émission, en tout cas, il y a quelqu'un... Ouais. Ah! Mais non, c'est... Non, OK, phew. Non, c'est pas dans la liste, je ne crois pas. On a une petite vis. Oh! Un jouet tranchant. Un jouet sexuel de métal de 4 pouces de long. Et là! Dans l'urètre, là. Dedans. Ouais. Une cuillère de plastique, un morceau de domino. Faut que tu sois déterminé. Domino, là, c'est large. Tu veux gagner, tu sais. Hey boy. un morceau de bouteille de shampoing de plastique. Franchement. OK. L'autre, c'était mis un trombone dans l'urette et ça a percé jusqu'à l'engin en tant que tel. Oh! C'est dans son engin, ouais. Et un câble coaxial. Le pouvoir infini du câble. Quand j'écoute, on va leur donner une subvention de 375 000. Puis ils vont fermer quand même. Comme oh mon Dieu! Est-ce qu'on passe au pendant féminin qui parle oui, au moins? Oui, pas le choix. Le vagin. Est-ce que tu as regardé SNL Québec en fait semaine? Non. Oh, c'était tellement bon. Il y avait un sketch avec Mariana Madza. Ouais. Puis elle parlait tout le temps de son vagin. J'ai écouté, pour en revenir aux émissions de médecins, j'ai écouté une émission par contre, puis la personne, elle avait un gun de prix, là. Ouais, parce qu'elle voulait entrer voir son chum en prison, ouais. Lui amener un gun, mais sans se faire pogner, fait qu'elle se rentrait un gun dans le vagin. C'est sûr. Tu joins l'utile à l'agréable. Hein? Ben oui, évidemment. C'est puis sûr. Là, elle avait oublié de le décharger. Oh! Fait qu'elle s'est tirée autrement. Ouais, wow. Ah, oh, des choses comme ça, hein. Eh ben! Donc, dans le Varin, oui. Qu'est-ce qu'on s'est pris cette année, l'année passée. Du parfum qui sent bon. OK. Un couvercle de désodorisant. Rien de moins. Quelqu'un qui nettoyait dans la douche, il a trouvé un tampon dans son vagin. Elle pensait qu'il y en avait un autre. Donc, c'est ça. Hey, tu peux tellement mourir en plus, là, ouais. D'un choc. Oh mon Dieu. Eh ben, un capuchon de bouteille. OK. De bière, mettons. Oh, ha! Un anneau. Tu sais, l'anneau qui va sur le machin masculin. Ouais. Avec des pics dessus. Genre, il est resté pris. Ouais. Hein. Le sexe m'a amené à l'urgence. Eh oui. l'autre, un morceau de métal rouillé. Rouillé. Allez, désinfecte-le au moins avant de te mettre. Achète du nouveau stock, ça. Je sais pas, tu sais. Ça coûte rien, là. Franchement. Ouais. Des boules de silicone. Le patient dit que quand ton mari quitte la ville, t'as besoin de ces boules de silicone pour te divertir toi-même dans ton entrejean. Elles sont restées prises là. Une balle. Et rester prise dans un... J'espère que c'est pas une balle de baseball. Un réflecteur, comment t'appelles ça, une petite lumière... Un réflecteur à vélo. De vélo, hein, qui brille dans le noir. Ben voyons donc. Ouais. Faut que tu sois déterminé de rentrer celui-là. Vraiment. L'autre a inséré une éponge, mais pas une éponge pour pas tomber enceinte, mais juste une éponge normale dans son veuve pour qu'elle puisse aller nager. Elle s'est dit, je vais nager avec une éponge. N'importe quelle éponge. Oublie le tampon, je vais me mettre une éponge. Ah ouais. Coûte moins cher. Tiens. Une petite étoile de mer, sinon, hein? Franchement. Tu sais, varie un peu. Des écouteurs. Des écouteurs. Tu veux pas les oublier? Non, mais... Il y en a qui se mettent de la musique pour leurs futurs enfants sous le ventre. Fait que, elle l'a mis directement. Pour le pipi oh de son... Oh my God. Ensuite, une serviette chaude. Une serviette chaude. Peut-être une débarbouillette, j'imagine. Ouais, chose comme probablement. Ça. L'autre avait des relations sexuelles avec son copain lorsqu'il a mis son téléphone et son argent dans son veuve. Laisse-le. Laisse-le tout de suite. Laisse-le tout de suite. C'est quoi ce trip-là? C'est un fantasme, j'imagine. Ben non, mais là, attends, là, c'est... C'est comme ça. Fantasme à mettre ton téléphone et ton argent dans le vagin d'une femme, là, c'est un fantasme vraiment étrange. Ensuite, de l'argile qu'on a retrouvé dans un veuve. La fille, elle voulait se faire un moule. Oh, wow, oui, ça se peut. Peut-être. Ben oui. On sait pas. Une chandelle. Une chandelle. Un suçon. L'autre utilisait des balles de pierre vaginale, des balles pour se divertir ouais. soi-même. Et donc, et la corde qui tenait les 15 petites balles ensemble s'est dissoute et il n'a réussi à trouver que 14 de ces balles. Donc, il y a comme une balle qui était prise, là. Oh mon Dieu. Ouais. Et finalement, une baguette magique pour enfants. Harry Potter, toi et chose. Et Vaginus Optimus. Oh. et on est rendu au punch de l'affaire. On a dit au début de la chronique que c'était ce qu'on s'était fait prendre dans un rectum. Oui, exactement. En 2017. Il y en a des choses. On a tout fait sauf le rectum, donc allons-y. Une balle de golf. Oui. Un couvercle de beurre d'arachide. Aïe, aïe. T'es sûr que c'est juste le couvercle? Le pot. Le jar. C'est raison. Le pot complet, Mathieu. Je sais même pas pourquoi j'ai dit le couvercle. Une bouteille de spray. Ouais. Une rod, un genre de truc de métal pour tenir tes rideaux. Là. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que fait avec suspense. Ça dans les... L'autre s'est mis un jouet dans le rectum parce qu'il pensait qu'il était constipé. Fait que ça va te déconstiper de te rentrer un jouet. Ben ouais. Une brosse à dents. Mm-hmm. Un porte-brosse à dents. Rien de moins. Ben ouais. Un contenant de soie dentaire. OK. Une bouteille de rince-bouche. Au moins, ils veulent tout sentir bon. D'après moi, hein, c'est une solution comme une autre. L'autre était à un party et s'amusait avec ses amis de gars lorsque quelqu'un a mis un verre de shooter dans son rectum. Ça, c'est clair, c'est un party de joueur d'hockey. Ah. C'est bien placé pour le savoir. Je me suis jamais fait rentrer un shooter dans les fesses. Pour l'instant. Non, ça n'arrivera pas. La vie est longue. L'autre a des petits cossins de bois. Des petits cossins de bois. Tu sais, des gogos que t'achètes genre dans un magasin de souvenirs, des trucs comme ça. À tabagie, souvent. Ouais, c'est ça. Toujours à la liste des trucs qu'on s'est fait surprendre à avoir dans le rectum, un tour de vis. Ouch. Ouch. Une fourchette de plastique. Ouf. Un missile jouet. Okay. Un dildo vibrant en plastique qu'on ne pouvait pas éteindre. Oh, ça, c'est drôle, pareil. L'autre a essayé de déloger le dildo de son ami en utilisant un ouvre-lettre. Mais ben voyons couteau, donc. Le couteau. T'es donc ben... C'est un couteau, ça va te couper quelque chose. Mais franchement... Ah, ça n'a aucun sens. L'autre, un tube de cigare pour soulager ses hémorroïdes. OK. Encore. La petite crème, ça te tentait pas? Ils se vendent de la crème pour les hémorroïdes. Hein? Préparation. Franchement. L'autre se sentait seul et a utilisé un contenant de mascara dans un sac de plastique dans son rectum pour se faire plaisir. Au moins, elle a mis un sac de plastique autour, mais au moins. Quand même. L'autre s'est inséré un verre de métal. Tu sais, les verres très à la mode sur Pinterest. Ouais, genre ouais, en oui. tôle ou je sais pas trop quoi. Ouais. L'autre, une brosse à cheveux. Franchement. L'autre buvait avec ses amis et a commencé à faire quelques expériences. Et on a utilisé du Febreze, ou tu sais, un contenant de rafraîchisseur. Là, de rafraîchisseur d'air. D'air, c'est ça. Et il s'est fait prendre ça dans la nuit. Wow. Ouais. Des billes. Classique, quand même. Ben oui. Une grosse bouteille de shampoing. T'es le format écono. Ouais. Valeur. Oh my God. Il nous en reste que quelques-uns. C'est des trucs qu'on s'est pris dans le rectum en 2017. Là, il y a quelqu'un qui s'est assis dans le bain et a ressenti quelque chose entrer dans son nounou, mais c'est pas ce que c'est. Oh my God. Ça okay. fait peur. Tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est. Tu sais juste quand t'arrives à l'urgence puis ils te le retirent puis ils te le disent. Ça fait quick quick ce petit canard. Une canne de nourriture pour chat. Franchement? Un sac de tabac qu'on prend dans la bouche, tu sais, qu'on mâchouille comme au baseball. L'autre avait une bouteille d'eau dans le rectum. Il faisait ça pour réduire son anxiété, son angoisse. Franchement, va consulter, là, s'il vous plaît. Mais tu sais, je sais pas s'il est bon. Tu sais, le truc que tu lances une bouteille d'eau, il faut qu'elle tombe à l'endroit. Je sais pas. Lui, tu lances, puis tu vois s'il y a des... tombe toujours ses pattes. Trois batteries 2A. Il voulait voir s'il allait vibrer quelque chose, je sais pas. Peut-être. À la place de te mettre une batterie carrée sur la langue. Ouais, c'est ça, lui. Trois batteries 2A dans la nuit. Voir si ça fait la même réaction. L'autre, une autre personne complètement, j'imagine pour essayer de le battre, a mis deux batteries 3A. Oh my God. Je sais pas si c'est plus ou moins. C'est pas mal équivalent. Ouais, d'après moi, ouais. Ce qui est pire, c'est l'autre qui a mis une batterie D. Une batterie D, là, c'est les grosses carrées? Les grosses cylindriques. Oh my Lord! Les lampes de poche. Duracell. Ouais. Il ouvrait la bouche, ça éclairait. Et l'autre, le dernier patient avait une pièce de monnaie prise dans son derrière pendant au moins un mois. Ben oui, parce que tu sais, tu veux pas te promener à l'urgence puis dire... tu veux pas y aller le non, premier jour. Mais là. Tu veux pas te promener avec une scène dans le derrière pendant un mois non plus. Mais j'imagine que le gars pensait qu'il allait pouvoir l'éliminer. Ah, j'avoue. Pourtant, on a éliminé les pièces d'une scène partout. Franchement, qu'est-ce que tu fais avec une scène? Ben voyons donc. C'est plus bon, ça. Littéralement, là. Rentre-toi à cette scène à la place. Il s'est pété à la scène, comme on dit. Oh hein? Boy! Oh boy! 7h36. Voilà pour la liste des choses qu'on a réussi à se prendre à quelque part dans le corps, dans un orifice. C'est ridicule, la liste est sur assemblagerocky.com. Ah, pour l'instant, on prend une pub et on revient avec Tania S. Gun Entertainer. De quoi tu me parles, tantôt? Je vais vous parler des conflits de fin d'année, Mathieu. Oh! Ouais. On reste là. Aujourd'hui. C'est fou! 89 ans. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage Rocky en ce lundi 8 janvier 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ok, oui. Dans quelques instants, on va parler de conflits de fin d'année. Oui, certainement. 2017, une année... Il s'est passé beaucoup de choses en 2017. En tout cas, si on se fie à tous les messages Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, il y en a beaucoup qui souhaitent que 2018 ait mieux que 2017. C'est sûr qu'on retient surtout les mauvaises choses de 2017. Il y a eu des bonnes affaires. C'est vrai, il y a eu des bonnes affaires, il faut le dire. Il faut quand même se concentrer sur ces bonnes choses-là. Mais souvent, les mauvaises choses ressortent. Et c'est pourquoi je vais vous parler des mauvaises choses de la fin de l'année 2017. C'est souvent à la toute fin. On retient les affaires les plus récentes. Exactement. Et c'est là que ça s'est passé. Ça a mal tourné. Hein? Ouais. Voilà. Avant de continuer avec Tania S. Gun Entertainer, on écoute Papa Groove. Voici All of Us. Sur ces... Superstitions will fall away. We want it. No more the feeling of being caught in a race. We want it. All on the same boat, the conflicts at bay. Oh, I wanna make this place. This vision should be what we all celebrate. Yeah, yeah. Why don't we bring it down, start it with? I'm talking about all of us. Can't we bring it down, we know it's true. I was talking about all. We're in a vessel so hard to navigate. Where we're going? We went a long way, held the tiller too straight. Walk on the moon's face, love's in cyberspace. All together in this crazy race. Let's talk about it, talk about it. Let's be frank about it. Everyone just go back, be dreamers, cause we all know it's crazy. Get off this train, let's bring it down today. And keep those troublemakers real far away. Yeah, yeah, yeah, All of Boss par Papa Groove. Ah oui, tous les matins. In the morning. Ça met de bonne humeur, cette chanson-là. Mais en tout comme l'intro, la chanson thème de ta chronique. Non, certainement. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna do the Oh, première chronique de 2018. Oh, que oui. Oh, qu'on a hâte d'entendre toutes tes chroniques cette année. On part l'année en force. Tellement diversifiée, toujours. Ben oui, parce que bon, hein, une radio communautaire, ça se doit d'être diversifié, disons-le. Mais je vais pas commencer par le sujet qui brûle les lèvres depuis les derniers jours, parce que, bon, oui, c'est fin année 2017, c'est quand même début 2018, donc on va essayer d'y aller un petit peu plus loin encore dans le temps, là, vraiment fin 2017. On va y aller avec l'Ontario et un endroit que la plupart des Québécois connaissent. C'est le fameux Tim Hortons. On a quelques complications au niveau de l'Ontario et ici au Québec, on n'a pas l'air d'avoir ces complications-là. Donc, ça semble un petit peu quand même difficile à comprendre qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Et je me suis dit, pourquoi pas, ce matin, vous démystifier un petit peu la chose. Qu'est-ce qu'on veut savoir sur l'espèce de bisbille qui se passe présentement? Entre l'Ontario et le Tim Hortons, justement, parce que on n'en est pas là présentement de notre côté. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la première ministre de l'Ontario est une femme, c'est Caitlin Wynne, et on a annoncé l'année dernière qu'on avait l'intention d'augmenter le salaire minimum à 15$ de l'heure à compter de 2019. Donc, il y avait des opinions qui étaient bien partagées, qui se sont fait entendre pas mal toute l'année par rapport à tout ça, et c'est une augmentation qui se veut être graduelle, donc une hausse de 2,40$ va avoir quand même lieu du côté de l'Ontario. Donc, on va augmenter les salaires minimums de ce côté-là. C'est un changement qui est important. Ça l'a affecté énormément de commerces. C'est plus particulièrement aussi aux petites, moyennes entreprises que ça touche. Donc, on n'a pas nécessairement les moyens de fournir ce salaire minimum-là aux employés, malgré le fait que, bon, on est quand même au salaire minimum aujourd'hui du côté de l'Ontario, mais de faire une augmentation de ce salaire-là, il y a certaines entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens de pouvoir le faire. Donc, c'est un bon exemple avec la franchise Tim Hortons. On affirme devoir compenser quelque part afin de pouvoir survivre. Et le commerce qui est situé dans la ville de Cobourg a décidé de couper dans les pauses, les congés payés et dans certains avantages sociaux. Évidemment, par survivre, on veut dire faire le même profit qu'avant. Exactement, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a un beau message qui a été écrit par les dirigeants de cette succursale-là, parce qu'il faut dire que, bon, les succursales, oui, c'est toute la chaîne Tim Hortons. Ils sont franchisés. Donc, si on décide de s'acheter un Tim Hortons demain matin, oui, on va dépendre de Tim Hortons, mais vous en êtes quand même un petit peu propriétaire. Ouais. Donc, il y a plusieurs messages qui ont circulé à travers ce commerce-là. Et il y a une lettre qui dit « Chers membres de l'équipe, c'est avec beaucoup de regret que Ron Joyce Jr. Enterprise, donc Tim Hortons, a jugé nécessaire de procéder aux changements suivants concernant le programme d'encouragement, les pauses payées, ainsi que la politique. Et là, bien évidemment, on a des décisions qui sont négatives, on a des décisions qui sont un petit peu plates pour plusieurs employés. Et c'est une décision qui n'a pas nécessairement laissé personne indifférent, on s'entend. Là, on coupe dans vos pauses, on coupe dans vos avantages sociaux. Et il y a des gens qui sont même allés jusqu'à boycotter cette succursale de café-là, Tim Hortons, du côté de l'Ontario. Donc, on s'attaque, oui, évidemment, à la franchise, mais on s'attaque non seulement aussi à la grande Tim Hortons en tant que telle, parce que en temps normal, si on est une franchise, on fait quand même partie de la grande chaîne. Laisse faire ça. Exactement. Donc, c'est pourquoi Tim Hortons est pointé du doigt présentement du côté de l'Ontario, c'est qu'on n'a pas l'air de faire quelque chose qui va s'en aller vers le côté positif de la chose. Donc, au-delà des citoyens, bien, la politicienne, la première ministre de l'Ontario, Wynne, elle-même s'est sentie obligée d'intervenir dans ce qu'elle considérait comme étant de l'intimidation faite par Tim Hortons. Donc, bien évidemment, sur Twitter, elle a décidé de lancer un petit message comme quoi elle se sentait fâchée de savoir que Tim Hortons allait justement couper dans plusieurs millions de dollars qu'il allait donner aux employés pour continuer à faire cette espèce de profit qui est, on va se le dire, là, quand même assez gigantesque du côté de Tim Hortons. Et dans un message publié sur Twitter, ben, on a affirmé avoir été très mécontente, surtout de la lettre qui a été rédigée par le millionnaire Ron Joyce Jr. Comme on le disait, oui, c'est une franchise, mais c'est quand même la chaîne qui va dire oui ou qui va dire non à certaines décisions. Donc, la grande chaîne, au total, a dit oui à cette décision-là et elle invite les propriétaires à laisser leurs employés en dehors de tout ça parce que elle-même ne va pas hésiter, en fait, à entrer en conflit avec eux. Donc, pour l'instant, la direction de Tim Hortons s'est pas encore prononcée sur l'avenir de la nouvelle politique qui a été mise en place du côté de l'Ontario. Le salaire minimum est présentement 11,25 $ ici, au Québec. Il y a une prochaine hausse qui est fixée à 12,45 $ au 1er mai 2020. Mais du côté du Québec, ça semble pas avoir une si grosse répercussion que ça, pas pour le moment du moins. C'est sûr que nous, on parle de 2020, on parle pas encore de 2019. C'est sûr que ça va venir par ici, c'est sûr qu'il va y avoir des répercussions aussi, mais présentement l'Ontario est en train de justement bouillir par rapport au boycottage que certaines personnes pourraient faire envers la grosse chaîne qu'est Tim Hortons. Et j'imagine évidemment que si certaines personnes boycottent du côté de l'Ontario, je vois pas pourquoi certaines personnes n'iront pas boycotter du côté du Québec lorsque ça va arriver. Et bien évidemment, on va devoir savoir si le Québec va tout simplement approuver cette hausse de salaire-là ou si on va faire un petit peu la même chose du côté des franchisés. Qu'est-ce qui va se passer? Tim Hortons, c'est un exemple seulement. C'est sûr que là, on parle d'une franchise qui est connue. On parle d'une franchise qui a un nom à travers le Canada, quasiment à travers le monde maintenant. De savoir qu'on peut pas nécessairement donner cette augmentation de salaire-là, c'est quasiment tiré par les cheveux, considérant le fait qu'on est quand même une grosse franchise. On est Beaucoup d'employés, quasiment un monopole du côté de la caféine au Canada. caféine pour Tim Hortons. Oui, exactement. Mais on se dit, bon, je peux pas croire que Tim Hortons a pas les moyens de pouvoir augmenter le salaire de tous les employés. Bien, sachez que si Tim Hortons a pas les moyens, il y a beaucoup d'autres petites entreprises en dessous de tout ça qui, eux, n'auront pas les moyens non plus. Donc, Tim Hortons, comme je le disais, c'est un exemple. C'est sûr et certain qu'il y en a d'autres qui vont sauter ailleurs un peu partout, considérant cette augmentation de salaire-là. Ouais. Là, c'était ce matin, je crois que l'article est sorti sur le Québec qui fermait la porte au salaire minimum à 15 $. Donc, j'imagine que ça va avoir ça aussi des répercussions pas mal. Évidemment, parce que en tant qu'employé, tu veux être payé pour le travail que tu fais. Mm-hmm. En tant qu'employeur, tu veux avoir évidemment un rendement pour le salaire que tu vas donner à tes employés. Mais il y a aussi tout ce qui est salaire minimum, tout ce qui est marge salariale, à savoir qu'est-ce qu'on peut se permettre. Et des petites, moyennes entreprises, il y a aussi beaucoup d'OSBL, beaucoup de communautaires, ce genre de choses-là, qui malheureusement n'auront probablement pas les moyens de pouvoir arriver à ce changement-là. C'est discutable, c'est triste et on va devoir suivre ça de près. OK. Le deuxième conflit, entre guillemets, dont je veux vous parler, c'est plutôt la problématique, en fait, qui est sortie beaucoup plus récemment que celle de Tim Hortons, c'est-à-dire la radio communautaire montréalaise CIBL. Ouais. CIBL, ces derniers jours, a mis à pied 13 employés qui étaient temps plein jusqu'à nouvel ordre. Ça s'est passé vendredi et on parle d'une mise à pied en raison d'une situation financière qui rend impossible la poursuite des activités de l'organisation, selon le message qui a été envoyé aux employés. Donc, vendredi, les employés sont rentrés. On a eu le message « Rentrez pas lundi » parce que vous êtes toutes mises à pied. Ouais. Donc, la directrice de la programmation, qui est la directrice générale et des animateurs, sont touchés par cette annonce-là. Donc, présentement, CIBL n'a plus de directrice de la programmation, n'a plus de directrice générale, n'a plus de directrice des animateurs. La lettre envoyée aux employés indique que le conseil d'administration, en fait, va tenter de recueillir les fonds nécessaires à la poursuite des activités et qu'un comité de relance formé de membres du conseil d'administration et d'intervenants externes va chercher des solutions pour relancer les activités. Ça regarde mal, ça. Ça regarde mal. C'est pas la première chute de CIBL du côté de la radio communautaire à Montréal. On a eu plusieurs coups durs de ce côté-là, mais on a toujours réussi à se relever. C'est un petit peu ce que voulait dire aussi Je recherche son nom, Madame Lise Millette, qui est la vice-présidente du conseil d'administration de CIBL. C'est que on a toujours réussi à s'en sortir. On a toujours réussi à revenir beaucoup plus fort. C'est une nouvelle crise, en fait, mais c'est pas la première qui frappe cette radio-là. C'est aussi ce que vit un petit peu l'ensemble de l'industrie des médias présentement, à savoir le côté financier de la chose. Est-ce qu'on est vraiment capable de réussir à vivre simplement de publicité? Est-ce qu'on peut demander des frais à nos membres quand on est une radio communautaire? Les espoirs sont permis pour la radio communautaire, surtout du côté de CIBL. On a vraiment une image de marque. On a une image qui fait en sorte qu'on est vraiment une découverte pour plusieurs artistes. En tout cas, selon moi, j'ai commencé aussi à CIBL. Okay. Et de pouvoir dire qu'on enlève CIBL, c'est comme enlever un petit peu tout ce qui est nouveau, mm-hmm. tout ce qui est... Liberté. Oui, exactement. Mais t'étais là avant le changement de direction. Il n'y avait pas un changement de direction à CIBL, il me semble, où il y avait coupé plein de trucs, les émissions étaient préenregistrées. Exactement. Des chroniques. J'ai été collaboratrice, en fait. Ouais. J'ai pas été animatrice du côté de CIBL. J'ai été collaboratrice pour certains événements, entre autres du côté de la nuit qui ne se finit plus, en fait, du côté de Montréal. Il y a plusieurs activités, donc on est porté à aller couvrir certains événements. On revient en studio et là, on en parle avec les animateurs qui sont là. C'est un petit peu une nuit entière d'animation de radio. Et ça s'est fait avant le changement, justement, de direction. Il y a eu un changement, comme tu le dis, qui s'est passé. On a eu des subventions aussi du côté de CIBL parce qu'on se rendait compte que c'est une radio qui amène beaucoup de culture du côté de la ville de Montréal. Et on se dit qu'on refuse que ce soit la fin. Bien évidemment, du côté du conseil d'administration, c'est pas, comme je le disais, c'est pas le premier coup qu'on reçoit. Mais il n'y a pas un problème de gestion là-dedans, parce que tu disais, bon, il y a eu un don, c'était 375 000 $ de la part de Cogeco sur 3 ans. Il y avait 13 employés à temps plein, c'est pas, ça me semble beaucoup pour un organisme communautaire. En fait, pour l'exercice financier 2015-2016, si on fait juste regarder cette année-là, et si je me souviens bien, je crois que c'est l'année où il y a eu le gros changement de direction, bien le budget s'est soldé en fait par un déficit de 100 000 $ cette année-là. Mm-hmm. Donc l'organisation avait lancé en fait une grande campagne là, de soutien On s'appelle laquelle, la bronze. Exactement, il y avait plusieurs porte-paroles. On essayait d'amasser les fonds sous les thèmes j'aime CIBL, hashtag G de CIBL aussi. Donc, Cogeco s'était engagé justement à soutenir CIBL sur 3 ans avec 375 000 $. Les employés et les bénévoles avaient réussi à se sauver un petit peu de cette crise-là à ce moment-là. Et Cogeco Média, bien, on l'avait dit, on était à la rescousse de CIBL là, sur 3 années à partir de 2015. Donc, si on regarde ça comme ça présentement, on est en 2018. C'est une somme qui avait tiré des contributions de radiodiffuseurs au titre de développement du contenu canadien. C'est une exigence du CRTC, en fait, envers les radios commerciales. Le Conseil de la radiodiffusion et télécommunications du Québec. Du Canada. Du Canada, absolument. Exactement. Donc, Cogeco Média reconnaît, en fait, l'importance de CIBL. On s'était dit que c'était très important dans le milieu culturel montréalais. C'est une institution aussi. Il y a plusieurs animateurs de radio qui sont connus aujourd'hui. Plusieurs animateurs de télévision qui ont tous commencé. Les gars d'RBO, je crois. Oui, exactement. Guillaume Lepage a commencé là. Il y en a plusieurs autres aussi. Donc, c'est une voix originale aussi dans le paysage médiatique. La station de radio francophone aussi pourrait continuer certaines diffusions sur le web. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe de ce côté-là parce qu'il faut quand même s'avouer que les animateurs sont bénévoles. Ouais. C'est vraiment les employés qui ont été mis à pied. Donc, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce qui est en onde présentement versus ce qu'il sera plus? C'est un gros questionnement. Avant que Cogeco arrive, CIBL avait quand même une dette qui tournait autour de 200 000 $. Wow. Donc, la station avait également reçu certains avis de copropriétaires. On demandait de payer les frais de copropriété qui n'avaient pas été acquittés depuis plusieurs mois du côté de 2016. Donc, au début de l'année 2016, là, on envisageait de quitter les ondes hertziennes et on essayait d'amorcer un virage qui était beaucoup plus numérique pour assurer la survie. Et on se rappelle, ça s'est fait, ce virage-là, très, très numérique. Ouais. Exactement, ça fonctionne plus ou moins bien. Tu sais, oui, tu vas chercher des codes d'écoute avec ça, évidemment. Ils font beaucoup, beaucoup de Facebook Live. Leurs émissions sont quasiment tous web diffusées. C'est plus de la télé maintenant que de la radio, on dit là. Exactement. Donc, et ils ont payé très cher pour de très, très beaux décors et un nouveau local. Peut-être que c'est ça aussi, je sais pas. Le changement de local s'était fait avant le changement de direction. Okay. Moi, je me rappelle quand j'avais été collaboratrice, le local était là. On avait fait un changement de local là, d'un coin de rue à l'autre coin de rue. Mm-hmm. Il faut se le rappeler, là, les deux stations, en fait, étaient vraiment une en face de l'autre. C'était tout simplement, en tout cas pour ce que moi je m'étais fait dire, c'était le changement de local était assuré selon la bâtisse dans laquelle on était avant. La bâtisse ne pouvait plus tenir. Okay. Elle allait se faire démolir. Mm-hmm. Donc, on a dû changer d'endroit. On est allé de l'autre côté de la rue dans de très beaux locaux. Mais oui, le côté esthétique de la station... Ça l'a bien fonctionné. Ça l'a fonctionné pendant un certain temps. C'est sûr et certain qu'on se pose la question qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Parce que, bon, on a mis des employés à pied. Ces employés-là, ils font quoi présentement? Ils sont là jusqu'à quand? Est-ce qu'ils sont là aujourd'hui? C'est vraiment les gros questionnements. Et c'est une annonce qui survient quelques semaines après que le directeur en poste des deux dernières années, Arnaud Larsonneur, ait démissionné. Mm-hmm. Donc, on n'a plus le même directeur en poste présentement. C'est pas une première, comme je le disais tout à l'heure, pour CIBL. C'est mais... pour ça que la directrice de la programmation fait aussi directrice générale. C'est exactement. Enfin, il semble que la station de radio communautaire vit des difficultés financières là, qui soient sans précédent. C'est sûr que ça alerte un petit peu pas mal toutes les stations de radio communautaire, je vous dirais, même régionales. En passant, on est campus communautaire, mais on reste quand même communautaire un petit peu. Exactement. Ouais. CIBL, on est au cœur de Montréal. On a une grande population à pouvoir servir. Donc, c'est sûr qu'en termes de publicité, CIBL se montre un petit peu à être la reine des radios communautaires. On s'entend, de ce côté-là, je pense pas que ce soit vraiment détrônable. Par contre, il y a un article très intéressant d'Alain Dufresne qui fait part dans le Journal de Québec. À quel point est-ce que c'est important une radio communautaire? Parce que, bon, on se dit que Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir dans des radios communautaires? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de donner des sacrifices majeurs tout simplement pour le plaisir d'être en onde? On s'entend que même ici, à C'est fou, la plupart de nos animateurs sont bénévoles. Du côté de certaines radios communautaires, ça fait plus de 20 ans que certains animateurs sont là en tant que bénévoles. Et les radios communautaires, il faut comprendre que c'est la première place où la plupart des animateurs vont faire leur entrée. Et c'est aussi la dernière place où tu n'as pas besoin de formation. Parce qu'on te donne, à un certain point, une formation d'animation, une formation aussi de mise en onde. Donc, de ce côté-là, c'est comme un petit peu une école pour les plus grandes radios. Mais c'est aussi le côté très diversité. Et ouais, diversifier aussi de tout ce qu'on peut avoir en onde dans les grandes radios commerciales. C'est sûr et certain que si vous écoutez, par exemple, CIBL, vous allez peut-être avoir un petit peu plus de pop. Vous allez peut-être avoir un petit peu plus de, comme on le disait, la bronze. Elle est quand même rendue à tourner dans certaines radios commerciales. Mais on a commencé dans des radios communautaires. C'est un petit peu ça l'idée. C'est de pouvoir vous montrer, de pouvoir vous faire connaître des choses qui sont complètement différentes. Donc, la concentration des efforts des radios communautaires, on essaie de rejoindre un public qui est de 25 à 54 ans, qui se fait pas, en fait, dans les radios commerciales, tout simplement. C'est vraiment de toucher à plein de choses très diversifiées, de pouvoir partager la passion, par exemple, pour la musique latino, pour la musique française, pour parler d'animaux de compagnie, si on en a besoin. Mais dans un même marché, on n'a pas énormément de radios communautaires non plus au Québec. Donc, on essaie de compenser par le manque de variété de l'offre des radios privées. Quand on est une radio communautaire, on a comme un devoir, en fait, de tout simplement combler ce qui n'est pas comblé ailleurs. Et la radio communautaire, c'est quand même assez essentiel. Parce que sinon, on va tout le temps écouter la même chose partout. C'est une variété de couleurs. En fait, c'est ce que dit Alain Dufresne dans son article. Il dit, et ça, je trouve ça très, très drôle, parce qu'il dit, Pierre-Yves McSwain dirait, la radio communautaire, en as-tu vraiment besoin? Et la réponse pourrait être, la variété de couleurs, en as-tu vraiment besoin? On pourrait se limiter au gris, au blanc et au noir. Ça dépend du genre de monde dans lequel on souhaiterait vivre. Et c'est un petit peu la même chose. Si on veut pas nécessairement voir ou entendre les choses tout le temps de la même façon, il se faut d'avoir une diversification de ce qu'il y a en onde. Et c'est un petit peu pour ça que c'est si triste de voir partir une radio comme celle qu'est CIBL. Potentiellement, on ne sait pas. Non, c'est ça, exactement. On ne sait pas s'ils vont réussir à sortir de cette mise à pied-là, de ces problèmes financiers-là. Mais si la reine des radios communautaires subit ces problèmes financiers-là à Montréal avec le soutien de certaines compagnies, avec le soutien publicitaire incroyable qu'avait CIBL, à quel point est-ce que d'autres radios communautaires vont tomber aussi dans les prochains mois, dans les prochaines années? C'est la question que je vous pose. C'est ça. C'est la question qu'on se pose tous. Et au moins, on a l'avantage d'être une radio universitaire aussi. Donc, on a au moins les cotisations étudiantes. Mais bon. Hein. Exactement. Reste que ça fait peur pareil, puis c'est déprimant pas mal. Hein? Tout à fait. Okay. Merci, Tania. Fait plaisir. Il nous reste deux autres chroniques tout à l'heure. De quoi est-ce qu'on va parler? Alors, on va essayer de changer notre vie en 2018. Et j'ai pensé à toi. On va parler aussi un petit peu de jeux vidéo. Oh! Ben oui, certainement. Fantastique, mais avant ça, on écoute notre ami La Bronze. Oh, ah, on l'aime! Oui. Voici On danse par en dedans. Sur C'est fou. Tu m'as aimé dans un bain de sang. Tu nous as léché avec tes crocs coupants. Tu voulais me sombrer avec toi, mais je dansais avec Dieu déjà. Tu t'es craché dans ta gueule à toi. Tu t'es tué encore une belle fois. La bronze et on danse par en dedans. Eh oui. Et on a un petit peu dansé avec ça. Neige qui tombe. Ah, comme ça. C'est polaire là, ça a aucun sens. je m'attends à ce qu'un ours sorte à quelque part. Ah, un ours polaire, ouais. Ben oui, certainement. Ouais. D'après moi, on devrait sortir des poubelles là, qui sont pas loin. Bon, on prend une pause au retour, les instructions d'assemblage. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Presque deuxième heure d'assemblage requis en ce lundi 8 janvier 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oh, dans quelques instants, on va faire les instructions d'assemblage. On va se donner quelques conseils de vie. Je sais que plus tard, dans ta chronique, tu vas aussi nous dire comment changer notre vie en 2018. Mm-hmm. Mais d'après moi, ça se rejoindra pas tellement. Je pense pas. Est-ce que tu vas nous dire comment laver ta toilette, toi, non? Non. Fait que ça va être plus moi. OK. On va voir. C'est bon. Mais avant ça, justement, quand on a à laver des trucs comme la toilette, on a envie de pleurer parce que c'est laborieux. Donc voici Crying's Just a Thing That You Do. Jamie McPherson, assemblage requis. Crying's just a thing you do. Une des pièces qu'on a bien aimées à la fin de 2017. Oui, vraiment. Mm-hmm. Maintenant, c'est la chronique où on apprend à mieux vivre. C'est les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. C'est les instructions d'assemblage. C'est notre chronique un petit peu magazine, presque. Mais on essaie de pas y aller dans le trop facile. On commence avec des produits sur Amazon. Est-ce que tu magasines souvent sur Amazon? Pas en doute. Non, tu magasines jamais sur Internet en général? Ben, ça dépend, mais Amazon, j'ai jamais été sur Amazon. Il faut que tu achètes des produits qui sont vendus par Amazon, non pas par une boutique externe, si tu veux être vraiment sûr. Ah, OK, moi, c'est ce bon. Que je fais, je préfère ça. Bref, Amazon, il y a plein d'affaires dessus, surtout Amazon.com, Amazon.ca, des fois, il y a moins de sélection, mais quand même. Regarder les critiques sur Amazon, ça peut prendre vraiment du temps. Ça peut être... moi, je suis genre à magasiner trop longtemps. Là, je me suis acheté des pantoufles en fin de semaine. Mm-hmm. Et je pense que ça faisait genre 3 semaines que je magasinais les pantoufles. Oh my God! Ah, je sais, je suis ridicule. Mais bref, j'en ai eu pour Noël, fait que c'est correct. Hey, puis ça... Coudonc, portefeuille, pantoufles, bien équipé, toi? Ouais, ça va bien. Bref, il y a un nouveau produit avec intelligence artificielle. C'est un consolidateur de critiques sur Amazon qui va vous économiser du temps et de l'argent lorsque vous magasinez pour des trucs technologiques. Ça prend des critiques d'Amazon et ça fait une infographie à la genre Journal de Montréal en 5 minutes. Donc, quand même assez simple. Pardon. Donc, ça s'appelle The Review Index. C'est thereviewindex.com. Donc, ça utilise un réseau d'intelligence artificielle pour scaler des milliers de critiques de produits et ensuite les afficher dans une infographie visuelle et très cliquable. C'est gratuit. C'est super simple comme utilisation. Vous pouvez le faire pour comparer des télés, des trucs comme ça. Donc, vraiment bien. C'est sûr. Encore une fois, thereviewindex.com. J'aime bien. Ensuite, un autre outil qui vous permet d'examiner une tonne de produits en même... excuse-moi, c'est la même affaire deux fois. OK. Je vais continuer. 5 extensions pour Chrome qu'on devrait installer maintenant, nous dit mentalfast.com. Donc, peu importe ce que vous faites sur Internet, Google Chrome a plein de petits ajouts qu'on peut utiliser pour corriger sa grammaire, peu importe. Donc, on commence avec Icebox par Finder, F-I-N-D-E-R, qui vous empêche, oui, d'immédiatement acheter la première chose que vous voyez en ligne. Donc, c'est une extension qui va mettre vos futurs achats sur la glace pour le temps que vous choisissez. Et une fois que la période de temps est passée, vous allez pouvoir aller acheter l'article si vous le voulez toujours. Donc, c'est comme une façon d'attendre avant d'acheter. Ça va geler votre produit dans un genre de panier dans les airs, dans le web. Hmm. Pour pas que tu puisses l'acheter tout de suite, ça le gèle. C'est bien, hein? Ensuite, on a Unpaywall. Si tu as tendance à lire des articles sur Internet, des fois, il y a des paywalls, donc sur des journaux. Des fois, ça va t'empêcher de pouvoir lire plus qu'un certain nombre d'articles. Je déteste ça. Unpaywall va vous permettre de passer par-dessus. C'est une extension qui cherche, en fait, des versions souvent PDF qui sont envoyées par l'auteur de l'étude, entre autres. Et ça vous permet de lire légalement des articles sans avoir besoin d'abonnement. On dit qu'on peut trouver environ 47% des articles gratuitement sur leur extension Chrome. Ensuite, on a Grammarly pour ceux qui écrivent en anglais, évidemment, ceux qui ont de la misère à différencier le « there » de « there ». C'est une extension pour Google Chrome qui vous permet d'attraper vos fautes, oui, peu importe où vous êtes en ligne. C'est disponible sur Safari, sur Firefox, sur téléphone intelligent. Donc, Grammarly, vraiment bien fait. Ensuite, c'est le Newsfeed Eradicator pour Facebook. Si vous passez trop de temps sur Facebook, ça va vous enlever cette tentation-là. Lorsque vous allez aller sur Facebook, à la place de voir votre fil de nouvelles, vous allez voir une petite citation kittens qui est faite pour vous, vous garder loin de ce site-là. Des poèmes, des trucs comme ça. Et à la place de montrer vos nouvelles, ça vous montre un petit poème. Fait que là, ça te dit « Ok, je vais quitter Facebook, j'aime pas ça. » Et finalement, on a Tab for a Cause qui est disponible sur Chrome et Firefox qui vous donne une raison de vous sentir bien avec plusieurs onglets d'ouverts en même temps. L'extension ramasse de l'argent pour une œuvre de bienfaisance avec chaque onglet que vous ouvrez. Donc, quand vous cliquez sur New Tab, la page va automatiquement rediriger sur la page de Tab for a Cause avec quelques petites publicités et la compagnie va donner cet argent-là à des œuvres de charité comme Water.org ou Conservation International. Et tu as des points pour chaque onglet que tu laisses ouvert et ensuite tu peux choisir où le revenu de la publicité va aller. Lorsque tu l'as généré en cliquant sur Nouvel Onglet. Ensuite de ça, on reste dans Google Chrome, mais on essaie d'arrêter les onglets qui jouent tout seuls. Mm-hmm. Les maudits autoplay de vidéos sur YouTube et autres, j'haïs ça. Hein? Quelqu'un, à un moment donné, a décidé que tout allait jouer tout seul pour attirer ton regard. Ben là, mais, pardon. Il y a du son qui joue, il y a de la vidéo, j'aime juste pas ça. Il y a une façon de bloquer tout ça, bien sûr. Et on dit que Chrome 64, la version 64 qui est sortie en bêta récemment, vous permet donc que les vidéos autoplay soient silencieux par défaut. Il prévoit aussi faire que les vidéos autoplay soient bloquées complètement. Ça devrait venir en janvier, donc dans les prochains jours. Et on peut essayer la fonctionnalité de mute des vidéos qui jouent tout seul dans la version bêta de Google Chrome en ce moment. Voilà. Les vidéos ne sont pas sur mute par défaut partout. Il faut y aller site par site dans la barre de permission de Google Chrome. C'est ce qui apparaît à côté du petit bouton actualisé. Là. Des fois, c'est écrit sécurité, des fois, c'est écrit autre chose. Quand tu lis dessus, tu peux arrêter les vidéos qui jouent tout seul. Mais bon, bref, Chrome 64 ouais. Le fait mieux. Ensuite, on va vider Internet, on va le nettoyer au complet avec une autre extension pour Google Chrome. Sans avoir à... Dans le fond, c'est une façon de se rappeler de ne pas perdre trop de temps ensemble sur Internet, pardon. Sans avoir à investir sur une application comme Freedom, il y a Nothing on the Internet, une extension pour Chrome et Safari qui transforme tout le contenu sur le web en laissant seulement les cadrages des images et du texte. Donc c'est une extension créée par l'agence créative Sideline Collective, qui est un outil de design aussi parce que ça vous permet de voir la structure qu'un site web possède en dessous de son contenu. Donc ils ont une galerie sur leur site web de différents sites populaires sans leur contenu. Donc ça s'appelle nothingontheinternet.com. Toujours en technologie, ceux qui se sont procurés des AirPods, c'est les écouteurs sans fil oui. d'Apple qui, moi, me tombaient des oreilles tout le temps. Oui, c'est ça. Je détestais ça. Donc, leur One Size Fits All, là, comme on dit chez Apple, c'est pas nécessairement All. C'est One Size Fits Most, je pense. Mm-hmm. Bref, ça fonctionne pour la plupart des gens, mais si vous avez de grosses oreilles comme moi, vous allez jamais être capable de les faire tenir dans vos oreilles. Et vous êtes pas seul. Il y a un fan d'Apple qui a trouvé une façon assez intelligente de régler le problème. C'est sur le forum... Pardon, c'est sur les forums de Mac Rumors, un propriétaire donc de AirPods New Zealand Matt, qui raconte son processus créatif. Donc ses écouteurs n'arrêtaient pas de tomber et il a ajouté. La solution, c'était un petit adhésif agrippant de plus. Donc il a pris du papier collant, du ruban qui est à l'épreuve de l'eau. C'est ouais. fait pour empêcher les cloches sur la peau, des trucs comme ça quand on fait de ouais. l'exercice. Bon, ils en vendent en magasin un petit peu partout, en pharmacie, vraiment pas cher. Il a utilisé un truc pour faire des trous là, sur les un feuilles. Poinçon. Un poinçon, exactement. Pour créer de petits cercles de rubans adhésifs qui peuvent aller à l'eau. Et il a placé ça près de, sur son AirPod, sur ses AirPods, pour que ça tienne beaucoup mieux. Donc il dit que ça empêche de tomber et que le papier collant est complètement caché dans ton oreille, donc t'auras pas à avoir l'air plus fou que les gens qui utilisent des AirPods. Parce qu'en tant que tel, c'est pas très beau. Mais bon, c'est un genre. T'sais. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est pas très beau. Personne les voit dans tes oreilles. Non, les papiers collants, non, mais les AirPods en tant que tel, je trouve que c'est pas ouais. le plus beau produit. T'as l'air un peu fou avec ça, je trouve. Ouais. Plus de gens en ont, moins ça a l'air fou, mais ça a l'air fou pareil. Moi, un petit peu, ouais. Bref. Ensuite. Allons-y avec... Est-ce que je le fais celui-là parce que je me demande si ça fonctionne en français? Je l'ai pas essayé. Donc, si tu veux pas que Siri, justement, sur ton iPhone, ton iPad, peu importe, dise des choses explicites, un langage explicite, on peut enlever le mauvais langage dans Siri pour iPhone et iPad. Donc, l'assistant virtuel va utiliser des astérisques pour couvrir les mots donc méchants et le mauvais langage et va littéralement mettre un bip sur le langage explicite lorsqu'elle aura Siri à parler ou à répéter un mot, peu importe la raison. Mm-hmm. Donc Siri ne va plus utiliser de mauvais langage devant toi. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Je vais essayer de débarrer mon super téléphone. Je peux. Oh. Faut tant que je le regarde pour qu'il ouvre. Attends. Come on! Ah oui, parce que Mathieu a le nouveau ouais, modèle. Je sais, il m'énerve tellement. Puis reconnaissance faciale, mais là, il est derrière un micro. J'aime pas ça! J'aime pas ça. Bref, on va dans paramètres, on va dans général, on va ensuite dans restrictions. Et on va taper ensuite, il faut activer les restrictions pour commencer. Je vais le faire en entrant mon code. Habituellement, c'est pas activé, ces trucs-là. Quand tu vas dans Siri et dictée, dans Siri sous restrictions, voilà. Tu vas avoir langage explicite. Attention, je vais le chercher un petit peu. Est-ce que je l'ai? Comment? Il y a tellement d'affaires là-dedans, c'est incroyable. En tout cas, il y a trop d'affaires pour que je puisse le lire au complet. Il faudrait que je passe un petit 10 minutes là-dessus. Mais on cherche langage explicite et on éteint ça. Si vous avez un iPhone en anglais, je sais qu'il y a plein de gens qui ont un iPhone en anglais. Bon, ben, ça fonctionne. Hein. Ensuite... Un truc facile pour se débarrasser des lettres de nouvelles. Des fois, tu arrives sur un site, on va te dire, bon, ben, tu vas avoir un rabais si tu t'inscris à la lettre de nouvelles. Fait que là, tu fais oui à tout. Bon. Fait que là, t'en reçois tous les jours, c'est super plate. Des catalogues, des dépliants, des menus de restaurants, peu importe. Donc, on suggère... le petit truc qu'on nous suggère, c'est d'entrer dans votre logiciel de courriel et de chercher le mot « unsubscribe » ou « désabonner ». Ouais. Il n'y a pas d'étape 3. Donc, c'est ouvrir votre courriel et taper « unsubscribe ». Ça va trouver tous les courriels qui ont le mot « se désabonner » dedans. Ouh, c'est le fun, ça. Vous allez pouvoir plus facilement les enlever. Facile, hein? Très on facile. Aime ça, on aime ça. Ensuite... l'application Waze pour les gens qui sont en voiture, les gens qui veulent savoir s'il y a de la construction, des trucs comme ça, ça s'appelle Waze, W-A-Z-E. Et souvent, ben, on entend parler de parents qui oublient leurs enfants dans la voiture pendant l'été où il fait vraiment chaud, des trucs comme ça. Des enfants qui sont morts d'hypothermie en hiver. Bref, c'est un sujet qu'on n'aime pas discuter, mais qui quand même devrait être... à discuter, parce qu'il faut pas que ça arrive, hein? Faut que ça arrive. Et là, ben, y a des gens qui vont rire de ces parents-là, mais on peut s'entendre qu'avec une journée très très chargée, ça se peut que t'oublies quelque chose comme ton enfant, j'imagine. C'est ce qu'ils disent. Bref, pour ceux qui utilisent l'application de navigation Waze, une chose à faire que vous pouvez faire, c'est d'activer la fonction Child Reminder. Ça va être une alerte qui va apparaître chaque fois que votre véhicule arrive à sa destination, qui va vous rappeler de ne pas oublier votre enfant dans la voiture. Bon, c'est bien ça. Dans les paramètres de Waze, dans Avancé, Général, Child Reminder, et puis permettre les rappels. Voilà. Ensuite de ça, comment ne pas être mauvais perdant? Oui. Mm-hmm. Ça arrive qu'on est mauvais perdant des fois, oui. Que ce soit un petit quiz à la radio ou ailleurs, à un sport, peu importe. Tania, des fois, pourquoi je me sens vraiment visée là, par ça? Pas toujours bonne, non? Ben... Bref, on explique comment ne pas être mauvais perdant lors de jeux compétitifs. Ouais, vas-y. Hein? Commençons par féliciter le gagnant tout de suite. Une simple poignée de main ou un genre bien joué, non, hein? Ouais, ça okay. va remettre les projecteurs sur cette personne-là au lieu de toi-même qui est le mauvais perdant. Hein? Mm-hmm. Et si tu veux aller pleurer ou te déprimer un petit peu, ben va le faire tout seul sans attirer l'attention. Bonne idée. Ensuite, pensez aux vraies conséquences dans le vrai monde. Si tu veux te prouver que t'es le meilleur et que tu mérites du respect, ce genre de pensée est difficile à éliminer parce que c'est tellement dans ta personnalité. Hein? Mais ça peut quand même te causer des problèmes lorsque les choses tournent mal. Donc, on dit de penser aux vraies conséquences quand tu perds. OK. OK. Ensuite, te retirer de la situation si les choses deviennent trop lourdes pour toi. Ah, ça, je suis bonne là-dedans. On dit que dire rien, c'est mieux que dire ou de faire quelque chose que tu vas regretter plus tard. Ouais. Si ta rage est à l'intérieur de toi, que tu quittes la table, que tu lâches ta manette, je sais pas, que tu te lèves de ton bureau, que tu vas te promener, tu vas avoir l'air mieux que si tu... commence à crier après tout le monde. Tu sais, va prendre l'air. Hein? Pas mal ça. Ensuite, se pratiquer à être un bon gagnant. D'avoir de la grâce quand tu gagnes. Oui. Et avoir de la grâce quand tu gagnes, ça peut t'aider à être un meilleur perdant aussi. Si tu peux éviter de te vanter ou de parler en mal des autres quand tu gagnes, ben les gens vont peut-être plus te respecter. Peut-être que tu vas avoir moins de difficultés à perdre. Parce que tu gagnes mieux. Ouais. Ça se tient-tu, ça? Ouais, ça se tient, ça se tient. Ensuite, on dit que c'est important, que c'est correct d'être compétitif, que personne n'a dit que tu étais supposé aimer ça, perdre, mais mm-hmm. c'est important de garder les choses en perspective, donc rappelez-vous des gens avec qui vous jouez. On dit que gagner et perdre sont que des petites parties de l'expérience du jeu, mm-hmm. au complet. Hein? Donc, en conclusion, perdre est une opportunité d'apprendre, de okay. s'améliorer et de prouver aux autres qu'une perte, un échec, ne va pas te rendre fâché, hein? Non, non, non. Non, non, non. Ensuite, on va à la maison un petit peu, quelques petits trucs à la maison pour que tes poubelles sentent meilleures avec des huiles essentielles. Les poubelles, ça sent mauvais des fois. Oui, oui, vraiment. Hein? Ça arrive. Caroline, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ben, il y a des solutions. Hein? Donc, on dit que tu pourrais, pour commencer, attends un petit peu. Intéressant ça. Ça dit que ta poubelle va sentir mauvais seulement lorsque tu l'ouvres, tu sais, quand on a un couvert ouais. hermétique, et ça va laisser aller plein d'odeurs vraiment dégueulasses dans ta face. On dit que la meilleure solution serait de séparer tes déchets alimentaires et les mettre dans le congélateur. OK. Donc, genre les faire geler. Les faire geler. C'est quand même une idée spéciale. Ouais. Mais si c'est un gros congélateur dans le sous-sol ou peu importe, c'est pas un congélateur de frigidaire, ouais. ça pourrait peut-être avoir du sens. Ça sentira pas mauvais. Ouais, mais t'es aussi bien d'y sortir plus souvent. Aussi, mais justement, peut-être que tu veux pas que tes poubelles sentent mauvais t'sais, à l'extérieur. Parce que justement, là. Pas. Quand t'es dehors, je sais pas, ça se. Ouais, j'avoue. Ça se peut. Bref, chez Apartment Therapy, on nous recommande de tremper une boule de coton dans de l'huile essentielle. Ah, OK. Et de mettre ça entre le sac poubelle et la poubelle. Donc, tu vas masquer l'odeur avec quelque chose qui sent meilleur. Ça peut être aux agrumes ou peu importe. Et ça peut combattre les bactéries aussi, nous disent-ils. L'huile de menthe va repousser les rongeurs et les insectes. Hmm. On nous demande de choisir vraiment de l'huile essentielle. Donc, spécifiquement, une huile essentielle d'extrait de citron. C'est ça? Ouais. Moi, la personne dans l'article dit que c'était pas assez fort. Mais bref, faites des expériences avec ça. Trempez une, une boule de coton dans votre poubelle. Ensuite, on nous suggère, ça c'est vraiment bien. Pour vrai, je m'en suis servi de ce petit conseil-là. Je trouve ça vraiment cool. C'est de garder une planche à découper dans ta petite salle de bain. Quand t'as une minuscule salle de bain, la mienne est une vraiment... Une planche à découper parce que tu coupes tes céleris en même temps que de faire tes besoins? Moi aussi, je me suis demandé ça. Je me suis dit, mais voyons donc, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ouais. Mais non, non, c'est une solution pour le manque de comptoir. Tu mets ta planche à découper sur le lavabo, en diagonale ou peu importe, sur les coins. OK, parce que t'as pas de comptoir maintenant. Parce que tu manques de comptoir, tu manques de place. Donc, mm-hmm. tu utilises la planche à découper comme place où mettre, je sais pas, ton sac de maquillage ou peu importe. C'est pas fou. C'est très, très fort, je trouve. Vraiment, j'adore ça. Tu peux en prendre une plus grosse pour quand t'es dans le bain puis tu veux appuyer quelque ton chose. Ton laptop, hein, c'est ouais, ça? C'est ça. Vraiment. Mais non, pas une bonne idée. Faites pas ça. Non, et branchez-les pas dans le mur, s'il vous plaît. Non, non, non. S'il vous plaît. Surtout pas. Bref, ensuite, on a... est-ce que je fais celui-là? Il me semble long un peu. Oh, on va l'essayer quand même. Donc, c'est des petits hacks pour votre congélateur, pour doubler votre espace dans le congélateur, nous dit-on. Mm-hmm. Évidemment, on parle de congélateur dans un frigidaire et non pas un gros, hein, quand mm-hmm. même. Donc, le premier truc est de faire des contenants magnétiques. Ça, c'est vraiment une bonne idée, je trouve. Des contenants magnétiques que tu vas pouvoir coller sur les côtés de ton congélateur. Ah, au fond, okay. sur les côtés, tu comprends? Ouais. Donc, en collant un aimant dessus, mais ça va coller après ton congélateur. C'est une bonne idée. C'est très fort, ça. Très fort. J'y vais rapidement. Là, on dit de congeler les choses à plat. Vous allez pouvoir mettre plus de choses dans le congélateur si vous les, si vous arrangez pour les compresser et les avoir vraiment à plat à la place de les avoir en hauteur. Ouais. Donc, tu vas pouvoir faire comme des slices, des petites tranches de nourriture dans des sacs dans le congélateur. Ensuite, tu peux prendre comment est-ce que je pourrais appeler ça? Des diviseurs pour les magazines, pour mettre les magazines dedans, mm-hmm. tu sais, des diviseurs en plastique. Là. Donc, à la place d'acheter des trucs qui sont faits exprès pour le congélateur, vous pouvez vous servir de trucs pour les magazines oui. Pour séparer et empêcher que les trucs tombent. C'est quand même fort. Et on dit aussi d'éliminer les boîtes. Les boîtes de carton, bien sûr, c'est l'ennemi d'un congélateur propre. Moi, j'aime bien ouais. les empiler, ça fait une belle petite colonne. Moi aussi, mais ça goûte le carton, après. Ah, pour vrai? Mm. Ouais. Bref, on dit d'enlever les choses de leur emballage cartonné et garder seulement le plastique avec des petites pinces, quelque chose comme ça, exact. Pour garder ça uniforme et bien organisé. Et finalement, on dit d'utiliser de mettre vos sacs à moitié utilisés sur des pinces... des pinces de pour les feuilles de papier. Mm-hmm. Bref, c'est votre meilleur ami. Donc, à la place de clipper juste ça à un sac et de laisser les sacs s'empiler, vous devriez clipper... Attends un petit peu. Alors, je pense qu'ils veulent dire que tu vas les faire suspendre après les tablettes avec les tiges de métal. Oui. Je pense que c'est ce qu'ils veulent dire. Et sinon, de garder un inventaire de votre congélateur sur le côté de votre congélateur, donc avec un crayon qui s'efface, un crayon à tableau blanc. Tu peux écrire à l'intérieur du congélateur ce que tu as dans ton congélateur. Comme ça, tu n'auras pas à te demander si tu l'as et qu'on voulait tout tasser tes affaires de dedans. T'sais. Oui, ça prend... allez-y pas au Sharpie, là, quand non, même. Non, c'est ça, un crayon de tableau blanc. Exactement. Sinon, un crayon graisseux. Comme oui. On a déjà parlé de ça, mais la première chose que tu devrais nettoyer quand quelqu'un se présente chez toi ou quand tu sais que des invités s'en viennent, on vous dit que vous devriez nettoyer votre salle de bain en premier. Oui. Hein? Donc, bon, je sais pas, ça arrive, la chambre à coucher, tu fermes la porte, il y a rien là. On oublie ça, mais la salle de bain, c'est ce qu'on va voir le plus parce que les gens vont tout le temps se présenter à la salle de bain au moins une fois. On vous dit de faire ça en premier. C'est vrai. Vous avez 30 minutes environ. Vous devriez passer plus de temps sur la salle de bain et après ça, faire le reste. Bonne idée. Mm-hmm. Justement, pour nettoyer sa toilette, on a des petits... tu connais les Tide Pods? Tu sais, les oui. petites pastilles qui sont bien à la mode sur Internet. Tout le monde veut les manger en ce moment. Mm-hmm. Sur Facebook, les memes, c'est ça. Bref, personne veut passer vraiment trop de temps à laver sa toilette et tu voudrais pas non plus montrer une toilette dégueulasse à tout le monde. Donc, c'est des petits pods qui sont une façon facile de nettoyer votre toilette sans avoir à faire trop de travail. Oh. On dit qu'on mélange ensemble du bicarbonate de soude, oui, et de l'acide citrique qui sont disponibles presque partout, même sur Amazon. On va remplir, ajouter ça dans du savon à vaisselle jusqu'à avoir une consistance qui ressemble à de la pâte. On va remplir un rack de glace okay. en silicone ou autre, mais surtout en silicone, de ce mélange-là. Et on va laisser ça sécher pendant quelques heures. Et tu vas pouvoir sortir un pod et lancer ça. Tu vas pouvoir les mettre évidemment dans un pot, quelque chose comme ça, dans ta salle de bain. Et quand tu veux laver la toilette, t'as juste à lancer le pod ça. Dans la toilette. Donc tu vas pouvoir lâcher ça et puis ça va se dissoudre très rapidement. Puis voilà, tu peux. On dit que tu peux en laisser tomber une après avoir terminé tes besoins, mm-hmm. mais avant de flusher, tu vas attendre quelques secondes et ensuite tu vas flusher. Ou sinon, tu peux le mettre après avoir flushé, ce qui va laisser la toilette bien prête pour la prochaine personne. Vraiment une très bonne idée, ces petits pods. Et en plus, ça se fait dans un rack à glace. Magnifique. Très bonne idée. Je vais arrêter là, je pense. On a d'autres trucs de toilette pour une prochaine fois, peut-être. Mais pour l'instant, on prend une pause. On revient avec une deuxième chronique de Tania Is Gonna Entertain Ya. Oui. De quoi tu parles tantôt? De jeux vidéo. Oh, cool. Oh là là. C'est geek, on aime ça. Restez là. Aujourd'hui. Assemblage requis en ce lundi 8 janvier 2018, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oh! Dans quelques minutes, on parle de jeux vidéo avec Tania dans Tania Is Gonna Entertain Ya. Mais avant ça, on écoute la famille Ouellette au grand complet. Certainement. Famille Ouellette. Grande avec, famille. Ah oui, grande famille, j'en suis certain. Voici Satin. J'en suis certain. Non. Mais tais-toi qui me guide, devienne mon chemin. J'ai pas trop voulu croire, mais les moments scintillés deviennent lendemain. Ah. Ton regard me chavire et on laisse nos verres dans le bar orphelin. Quand la lumière se reclose, j'ai la famille Ouellet avec Satin à Assemblage Requis. Maintenant, c'est Tania Is Gonna Entertain Ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain. Moi qui ai mal à la gorge, je m'aide pas bien ben en chantant. Non, hein, je sais. Hein? Mais t'es pas si pire, Mathieu. Ah, ça sonne pas si, si incroyablement mal que ça. Merci. C'est presque un compliment. Non, ça, non, mais. Ça sonne pas comme un cul. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sonnes très bien pour quelqu'un qui file pas. Ouais, non, qui arrête pas de tousser. Exactement. De moucher, ouais. C'est en plein son. Le reste de la semaine, ça va dégringoler comme à chaque fois. Probablement. Mais soigne-toi. J'essaie. Donc, on parle de jeux vidéo cette fois-ci. Oui, on parle de jeux vidéo parce qu'il est arrivé quand même quelque chose de soulignable. Soulignable. Dans les derniers jours, oui. Encadrable aussi. Encore. Ben, pas nécessairement. Bon, peut-être encadrable, mais surtout soulignable parce qu'il faut le souligner. En fait, on le sait, Alexandre Taillefer a sorti un documentaire récemment qui a fait beaucoup parler, qui a fait beaucoup réagir aussi sur un petit peu la dépendance aux jeux vidéo qui peut mener parfois vers un côté beaucoup plus sombre à la suite du suicide de son garçon. Mais dans les derniers jours, l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, a décidé de reconnaître la dépendance aux jeux vidéo comme une maladie. Donc, le trouble du jeu vidéo, le gaming disorder, c'est le nom qu'on lui donne, va être reconnu prochainement comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé. Et ça a été annoncé vendredi à Genève par un porte-parole de l'ONU. Les risques de dépendance qui sont liés à ce trouble vont être ajoutés en fait à la 11e liste de classification internationale des maladies qui va être publiée en juin prochain. Donc, on va avoir un mash-up de tout ce qui se passe de nouveau du côté de la santé. Mais c'est une liste qui est dressée par l'OMS et qui est basée sur les conclusions d'experts de la santé dans le monde entier. Donc, on devrait avoir beaucoup de nouveautés de ce côté-là parce que si on se rappelle bien, depuis certaines années, il y a plusieurs petits... Bien, pas nécessairement petits. Je veux pas mettre le terme petit dans cette phrase. Mais il y a plusieurs problèmes qui font éruption de plus en plus, que ce soit les maladies mentales, que ce soit les dépendances. Donc, de ce côté-là, probablement que du côté de la Bible de l'OMS, on va voir beaucoup de choses dans la prochaine publication de juin ressortir pour lesquelles on va avoir peut-être un petit peu plus d'aide à ce niveau-là. Donc, ça peut être c'est pas juste les jeux, ça peut être aussi juste être accro à son téléphone cellulaire. Ben oui, certainement, exactement. C'est pour ça que je dis que certaines dépendances là, vont probablement faire éruption dans la Bible de l'OMS. Prochainement parce qu'il y a sûrement des liens. Il y en a pas mal qui sont reconnus là, depuis quelques temps par plusieurs spécialistes et peut-être pas nécessairement par l'OMS encore, mais les spécialistes de la santé lèvent la main de plus en plus pour certaines problématiques. Donc, probablement que la prochaine classification de l'OMS va être bien remplie. Ça peut être très proche des jeux d'argent aussi, les jeux vidéo, hein, parce que des fois, tu peux payer cher pour des petits contenus de plus. Et mon Dieu, oui, en effet. Ouais. C'est une définition qui est quand même assez courante pour le gaming disorder. En fait, on parle de comportement qui est lié aux jeux vidéo sur Internet ou encore hors ligne, donc sur notre PlayStation, par exemple, qui se catégorise par une perte de contrôle sur le jeu. Donc, une priorité croissante qui va être accordée au jeu par rapport à d'autres activités, au point où, justement, si on le prend ou si on le prend pas sur d'autres centres d'intérêt. Donc, si on commence, en fait, à réaliser qu'on a peut-être moins d'intérêt pour d'autres choses. On a juste des intérêts pour le jeu vidéo. Et parmi les autres symptômes, bien, on figure aussi la poursuite et l'augmentation de l'activité de jeu malgré l'apparition de conséquences négatives. Donc, malgré le fait qu'on soit au courant, qu'on commence quand même à passer pas mal de temps sur notre console de jeu, malgré le fait qu'on réalise qu'on est pas mal plus blanc parce qu'on passe pas mal moins de temps à l'extérieur, bien, il y a d'autres symptômes aussi qui figurent malgré tout ça. Et selon les experts de l'OMS, il y a un individu doit montrer une dépendance anormale au jeu pendant au moins un an avant d'être diagnostiqué comme souffrant de ce trouble-là. Donc, ça va être classé comme un comportement addictif et par la suite, après un an où on va avoir peut-être travaillé avec des spécialistes ou quoi que ce soit, bien là, on va arriver à une dépendance anormale au jeu. C'est sûr qu'on a tout le temps des petites périodes dans l'année où t'as plus envie de jouer. T'sais, je sais que moi, il y a des périodes de l'année où je joue beaucoup, d'autres où je joue pas du tout. Donc là, un an, c'est un bon barème pour dire, OK, t'as vraiment une dépendance. Si après un an, t'es encore dans ce cas-là. Là. Exactement. Le trouble du jeu vidéo, oui, c'est un concept qui est relativement nouveau, en fait. Il faut, se le dire, ça fait plusieurs années quand même qu'on parle des jeunes qui ont peut-être une appartenance à la violence qui est beaucoup plus grande grâce aux jeux vidéo. Mais jamais on s'était vraiment penché sur le fait d'être justement dépendant aux jeux vidéo. C'est pas mal nouveau, comme je le disais. Et ici, du côté du Québec, bien, on en a vu quand même les lueurs de tout ça grâce au documentaire avec Alexandre Taillefer. Mais le trouble du jeu vidéo, c'est relativement nouveau et les données qui sont épidémiologiques dans la population n'ont pas encore été rassemblées au Québec. On n'a pas encore assez de données de ce côté-là pour savoir qu'est-ce qui se passe ici par rapport à tout ça. Mais malgré le fait qu'il y ait une absence de statistiques, il y a des experts de la santé qui sont d'accord pour dire qu'il y a un problème et que la prochaine inclusion du gaming disorder dans la fameuse Bible de l'OMS, c'est une étape qui est appropriée. Il y a des gens qui appellent à l'aide déjà. Il y a plusieurs personnes, plusieurs jeunes qui se retournent vers certains spécialistes pour avoir quelques notions à savoir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça. Et en notant aussi que la reconnaissance formelle de leurs conditions, bien, ça va contribuer aussi à déclencher de nouvelles recherches, de nouvelles ressources aussi pour combattre ce problème-là, savoir comment vivre avec. Parce que c'est sûr que si on a une dépendance, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de jouer aux jeux vidéo du jour au lendemain. Ouais. Ça va demander, en fait, une certaine capacité à pouvoir se contrôler et tout ça. Donc, les spécialistes se posent la question, comment est-ce qu'on va arriver à pouvoir avoir quelques chiffres de ce côté-là? Parce que, bon, comme on le dit, les recherches sont pas encore énormes à ce niveau-là. On n'a pas encore de nombre déterminant du côté du Québec, à savoir... Et même du côté du Canada, c'est un petit peu plus difficile, là, mais à savoir, justement, comment on va arriver à pouvoir faire changer les choses. Mais déjà en partant, l'OMS le reconnaît comme un trouble, donc ça devient une étape de plus dans la résolution de problématiques. Mmh. Voilà. J'ai quelques idées peut-être pour vous si vous êtes de grands utilisateurs de jeux vidéo, à savoir, pas nécessairement combattre l'addiction qui peut arriver aux jeux vidéo parce que je suis très, très loin d'être une spécialiste de la santé. Mais les jeux vidéo, c'est quand même une passion qui est moderne, qui est assez controversée. Ça se joue souvent vers les 10-25 ans de ce côté-là. Surtout du côté des garçons que du côté des filles. Là, c'est les chiffres en tant que tels qui disent que, bon, hein, c'est le même. Mais on observe cependant qu'ils sont de plus en plus prisés par les adultes aussi. Donc, il y a de plus en plus d'adultes qui passent du temps sur les jeux vidéo. Les jeux plus casual qu'on appelle, les petits puzzles, tout ça. Exactement. Plus souvent aussi, on est concerné pour les enfants et les comportements que ça va lier justement au fil du temps. Donc, ça commence vraiment tôt. Oui. Les applications sur le téléphone. Exactement. Tu sais, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, j'avais pas de tablette, j'avais pas de téléphone. Mais là, si je regarde ça comme ça, si on est en secondaire 1, on a pas mal une tablette, là. Hey, je regardais Radio Enfer hier. Oh, hey, moi aussi, j'ai regardé ça. Il jouait au dé, genre. Il jouait au dé puis aux cartes. Ben oui, puis Jocelyn les hypnotisait, mon Dieu. Il était bon, celle-là. Exactement. Les deux étaient très bons. Donc, on a quand même un débat de société par rapport aux jeux vidéo. Là, les jeux vidéo font quand même polémique. Dans la communauté des psychologues, on se pose la question pour plusieurs. Est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça de dépendance? Est-ce qu'on peut qualifier ça de problématique? Certains considèrent que les jeux vidéo présentent un réel danger, justement, d'addiction et de rupture, surtout avec la réalité. Donc, cette notion-là, de plus nécessairement savoir qu'est-ce que la réalité versus qu'est-ce que le jeu vidéo, d'autres pensent au contraire que sur l'ensemble de la population des pratiquants, bien, le bilan des jeux est beaucoup plus positif qu'on pourrait le croire. Même s'il ne faut pas nécessairement nier l'existence là, de cas quand même assez pathologiques qui sont bien réels, mais il existe aujourd'hui des consultations qui sont spécialisées en milieu hospitalier pour ce genre de situation-là, parce qu'on s'entend que ce n'est pas nécessairement le type de dépendance qu'on pouvait avoir il y a 15 ans, par exemple. Donc, en termes d'années, ça s'est développé extrêmement rapidement et on a dû aussi s'ajuster par rapport à ça aux côtés de la santé. Donc, c'est sûr qu'on est encore à l'étape de devoir jongler avec beaucoup de balles présentement du côté de l'OMS et du côté des spécialistes. Mais si vous êtes utilisateur de jeux vidéo, j'ai quand même des conseils pour vous si vous voulez bien utiliser vos jeux vidéo. Le premier conseil, en fait, c'est s'interdire d'interdire. Oh. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est l'interdiction, c'est avant tout un puissant stimulateur de transgression. Donc, on veut tout le temps aller au-delà de l'interdit. Le fruit défendu, comme les Tide Pods. Exactement. Surtout si on parle au niveau des enfants, là, apparemment qu'il ne faudrait pas interdire notre enfant à jouer à des jeux vidéo. Parfaitement, on pourrait tout simplement leur dire de bien les utiliser. Limiter le temps, peut-être. Exactement, limiter le temps. Donc, les jeux sont consommés, par exemple, chez les amis, sur Internet, dans des cybercafés. Donc, c'est assez impossible, présentement, de pouvoir interdire quelque chose par rapport à ça. Quand tu veux jouer, tu vas jouer. Quand tu veux jouer, tu vas jouer. Par contre, il faut se limiter. C'est ça l'important, c'est de se dire bon, j'ai déjà passé assez de temps sur ma console de jeux vidéo, peut-être que je devrais faire autre chose de ma journée. Le deuxième conseil, oui, c'est de s'initier au jeu Honis. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est de s'intéresser à l'univers des jeux vidéo. Surtout si on est parent, en fait, c'est de s'intéresser aux jeux que nos enfants jouent. Savoir à quoi ils jouent. Est-ce que c'est violent? Exactement. Les parents vont avoir rapidement une représentation qui va être moins fantastique, en fait, des jeux vidéo lorsqu'ils vont prendre connaissance de ce à quoi leur enfant joue. Et c'est une initiation aussi qui va leur permettre surtout de poser des bases d'un dialogue qui va être critique, mais qui va être constructif. Et ça peut amener chez certains parents un sujet de conversation avec leurs enfants qui vont peut-être avoir un petit peu plus de difficultés à discuter tout simplement sur une base régulière parce qu'il se rejoint moins dans le monde de la réalité que dans le monde des jeux vidéo. Donc, si le parent, par exemple, prend un petit peu plus de temps à regarder le jeu vidéo en question, bien peut-être que sur l'heure du souper, on va avoir 2-3 questions qui vont être directement liées à notre jeune qui est tout le temps sur ses jeux vidéo pour savoir justement qu'est-ce qui se passe avec ça. C'est un contact, en fait, qui est essentiel aussi pour avancer sur la voie d'une utilisation qui va être raisonnable. On est toujours plus crédible quand on sait un peu de quoi on parle. Donc, probablement que votre enfant, s'il est en bas âge, va vous prendre un petit peu plus au sérieux si vous lui dites « Ben, ça fait quand même 5 heures que tu joues à ta-ta-ta-ta-ta-ta. » Probablement que si les personnages sont quelque chose de très important pour votre jeune, vous allez avoir une approche qui va être différente aussi à pouvoir lui faire changer d'avis à ce niveau-là. Le troisième conseil, c'est de fixer des règles qui vont être réalistes. Et là, je tiens à parler surtout du fait que je parle comme si on était beaucoup parents, mais ces mêmes règles-là, ces mêmes conseils-là, en fait, ils s'appliquent au niveau adulte, mais c'est juste que c'est nous qui allons faire l'application, contrairement à un parent vers un enfant. Donc, il faudrait autoriser aux alentours de 30 minutes de jeu par semaine, ce qui équivaut, en fait, à une déclaration de guerre là, du côté de l'enfant. Ça peut être assez difficile, 30 minutes par semaine, mais en revanche, si on établit un temps limite par jour selon l'âge, bien à ce moment-là, ça devient une précision pour l'enfant. Ça devient quelque chose qui va être précis, ça devient aussi une espèce de cadeau de ce côté-là. C'est sûr, mais en même temps, une demi-heure par semaine, ça fait genre 6 minutes... par jour. Oui, mais il y a peut-être des journées où ton enfant ne voudra pas jouer du tout. Oui, c'est sûr. Tu sais, c'est sûr que on le détermine selon l'âge aussi. On s'entend que si votre jeune a 7 ans, une demi-heure par semaine, c'est peut-être assez. Si votre jeune a 12 ans, ben peut-être que vous faites augmenter un petit peu plus qu'une demi-heure. On s'entend. C'est toujours selon l'âge aussi, selon les fonctions du jeu auquel on joue. Il faut conditionner des bonus de temps aussi au jeu. Donc, si par exemple, vous voulez absolument que votre enfant lave ou fasse le ménage de sa chambre, ben peut-être que s'il fait le ménage, il va avoir 15 minutes de plus à la fin de la semaine. T'sais. On s'entend. Il faut adapter les durées de jeu en plus ou en moins aussi selon la quantité de devoirs, par exemple, ou selon la qualité de ce qu'on fait dans la maison. C'est des trucs qui donnent un cadre en fait structurel autour du jeu vidéo pour avoir un bon contrôle sur le temps que notre enfant va passer devant la télévision. Le quatrième conseil, c'est démystifier pour ne plus diaboliser. Ouh! Qu'est-ce qu'on veut dire de ce côté-là? En fait, c'est une pratique qui est un peu exagérée au risque de désocialisation. Donc, on dit tout le temps que les gens qui jouent à des jeux vidéo sont concentrés dans leurs jeux vidéo, ils voient pas le monde autour d'eux. Mais il faut pas hésiter à parler des jeux vidéo avec l'enfant ou encore avec un adulte. C'est quoi les nouveautés? C'est quoi les jeux que l'enfant préfère? Pourquoi? En fait, il faut arriver à faire parler la personne sur l'objet de la fascination qu'on a pour ces jeux vidéo-là pour mieux comprendre aussi les ressorts de l'envoûtement un petit peu et par conséquent d'agir à bon escient face à ces jeux vidéo-là et surtout face à notre enfant. Donc si on réalise en fait que notre enfant a aucune, mais aucune passion pour le sport, bien peut-être qu'on va se concentrer sur autre chose. Mais c'est en discutant justement de tout ça qu'on va réaliser que, bon, hein, ça y tente pas de jouer au hockey, ça y tente pas de jouer au hockey, la titre. Et le dernier conseil, en fait, c'est de proposer des moments de partage. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens qui vont avoir une addiction aux jeux vidéo vont être du style à jouer seul aux jeux vidéo. Si on y va avec une équipe, par exemple, si on joue avec notre enfant ou si on joue avec notre ami pour lequel on a peut-être une petite inquiétude par rapport à l'addiction, bien, ça devient un meilleur moyen de se rapprocher de lui et aussi de prévenir un petit peu là, les dérives de ce côté-là. Parce que si on est deux, c'est beaucoup plus facile de le faire sortir de ce monde-là par la suite. « Ah ben, OK, c'est correct, je suis en train de jouer, on fait ça autre chose. » Tu sais, ce questionnement-là et cette proposition-là, parfois, peut amener des bons côtés au fait où on va justement changer d'idée un petit peu sur les jeux vidéo. Voilà. Excellent, ça. Bravo, Tania. Fait plaisir. Merci. Oh, cool. Tania Sgonadio, Tania, tous les matins à Assemblage Rocky. Il nous reste une troisième chronique tantôt. Hein. Tu vas nous parler encore d'autres conseils encore. Là. Ben oui, certainement. Changer sa vie. En 2017. On va essayer. On va voir. Pour certains, 2017 n'a pas été la meilleure. Oh, que non. Et là là. On prend une pause. Au retour, après le crime. Oui. Ta dernière chronique. Certainement. Et les palmarès, c'est fou. Oh. Aujourd'hui. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. Assemblage rocky pour toi aujourd'hui. Troisième heure d'Assemblage Rocky en ce lundi 8 janvier 2018. Et Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oh oui. Dans quelques instants, on va faire après le crime. Mais avant ça, j'ai envie, pour ceux qui ont manqué la douzaine, je pense, de diffusion de notre émission rétrospective des palmarès, ouais. C'est fou, 89,1 FM. Tu te souviens de ça? Oh oui, je m'en souviens. Dans les fêtes. The 2017, c'est fou, 89,1 chart of the year. C'est incroyable. Ça. On a eu du plaisir à animer ça. Je l'ai tellement entendu souvent. Je sais, ça n'a aucun sens. Que je le sais par cœur. Il n'y avait rien d'autre. Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Il y avait beaucoup de choses. Plein, plein de choses. Mais pour ceux qui ont manqué une de ces nombreuses diffusions, oui. Je me suis dit qu'on allait écouter dans la chronique des palmarès si fous. Ben, un petit bout. Hein? Ben, certainement. Fait que c'est le blog des palmarès si fous. Ah oui, c'est le moment d'aller rendre visite à nos très négligés palmarès, c'est fou. Et aujourd'hui, on va savoir, pour ceux qui ne savent pas déjà, qui se retrouve au sommet de la rétrospective 2017. Sus mentionné tout à l'heure. On le sait pas, on le sait pas. On dit pas c'est qui, mais on les écoute, les numéros 1 de l'année 2017 à Assemblage Rocky. We'll be right back. que tant me blesse que l'air est lent. Oh, on est là, plongé au fond. Héros ou ennemi, personne peut le savoir. Position. Et voilà, c'était les numéros 1 des palmarès Cifou pour la rétrospective 2017, donc l'année au grand complet. On vient entendre Gogol Bordello avec Saboteur Blues sur l'album Seekers and Finders. Et avant ça, évidemment, Héros ou Ennemis de Octoplot sur l'album Le Démon Normal. Deux des pièces qu'on a le plus joué pendant l'année. Apparemment. Même si, comme on l'a dit, ça veut absolument rien dire le nombre de semaines. Ah non, mais Gogol Bordello, nous, on adorait ça. Ah oui, et Octoplot aussi, moi, dans mon cas. Oui, tout à fait. Si vous voulez réentendre cette rétrospective, allez voir sur assemblagerequis.com. La balado-diffusion est là. J'imagine qu'on diffusera pas ça une 12e. J'imagine que non. 21e fois, je sais pas. J'imagine que non. On va voir. Elle aura servi à quelque chose, cette émission. C'est exactement. Voilà, maintenant, c'est le moment de parler de gens qui ont fait des choses qui sont pas correctes. Et là là. Ah, ces gens-là. Ces gens-là. C'est après le crime. Mais... Après le crime, la chronique des gens qui font des choses répréhensibles. C'est le mot que j'aime utiliser. C'est gens terribles. Ouais. Pour commencer, un homme qui attaque un distributeur de billets, un guichet automatique aussi. Ça va bien. Parce que celui-ci lui a donné trop d'argent. Écoute. Ouais, t'sais, d'habitude, les gens qui attaquent des distributeurs automatiques de billets, comme on l'appelle, les guichets automatiques bancaires, truc GAB, je pense qu'on dit en français. Mm-hmm. Bref, en France, ils disent des DAB. Là. Ah, d'accord. DAB comme le DAB. C'est... bref, c'est parce qu'ils veulent de l'argent, d'habitude. Mais aux DAB, États-Unis, distributeur à billets. Automatique de billets, oui. Oui. Ouais. Bref, aux États-Unis, un homme a attaqué un DAB parce que celui-ci lui avait donné trop d'argent. Ça se passe à Cocoa, en Floride. Michael Joseph Oleksik, 23 ans, a été arrêté après avoir frappé à plusieurs reprises sur l'écran tactile d'un DAB après que la machine lui ait donné trop d'argent par erreur. Ah, peut-être ça arrêtait pas de sortir. Peut-être, ben oui, tu veux te défendre contre ça, c'est comme de l'autodéfense. Ben non, mais c'est parce que tu sais brisé, tu veux pas avoir l'air du gars qui l'a brisé. Ça, c'est sûr. Selon la banque Wells Fargo, propriétaire du distributeur, l'homme aurait causé plus de 5 000 $ de dégâts. Les autorités ont déclaré que Michael avait été vu sur les caméras de surveillance debout devant le guichet en train de frapper l'écran tactile le 29 novembre dernier. Peu de temps après, il appelait la banque et racontait à un responsable avoir frappé le distributeur parce qu'il était furieux que celui-ci lui donne trop d'argent. Il savait pas quoi faire. Il a précisé aussi qu'il était en retard au travail et s'excusait pour les dégâts causés à la machine. Wells Fargo qui a pris contact avec la police pour porter plainte. Bon. Hey boy, hein? Il a l'air fin pourtant. Ouais, c'est ça, en tout cas. Hein, on peut pas rien faire. C'est ça, les photos des gens sont sur assemblagerequis.com. Le prochain aussi a l'air sympathique, je trouve. Quand même. Ah, ouais. Mais il ne l'est pas vraiment. Il hein? y a l'air d'un gars qui pourrait jouer un Père Noël dans un film. Exactement. Donc, c'est un décideur, là, les gens qui décident les lois et tout ça, qui aurait touché à une de ses aides après avoir demandé des beignes. Drôle de détail qui vient d'une poursuite pour inconduite sexuelle contre un républicain de la Floride, sénateur Jack Latvala. Depuis novembre, il a donc été... il a été présumé d'agression sexuelle, harcèlement sexuel, pardon, sur 6 femmes. Une membre du Sénat qui s'appelle Rachel Perrin Rogers a décidé de parler de façon ouverte à un enquêteur indépendant. Donc, on a trouvé cette accusation d'inconduite sexuelle où elle aurait apparemment touché cette femme après avoir demandé des beignes. Rogers, qui est une aide législative, pour le sénateur républicain Wilton Thompson, a dit à Ronald V. Swanson qu'il était fâché parce qu'il n'y avait pas de beignes. Et elle a demandé c'est ça. Ouais, mais il voulait des beignes. Pas mal ça, finalement. Et finalement, elle s'est retournée. Et puis, il l'aurait touché. De façon incorrecte, bien sûr. Hein? Wow. Squeezé un petit peu. Parce qu'il n'y a pas de beignes. Mais non, il écoute. Des beignes. C'est comme ça. Ça arrive. Un professeur de l'Utah, un enseignant qui a été renvoyé après avoir permis aux enfants de voir des œuvres d'art classiques avec de la nudité. Ça se passe en Utah, l'école primaire Lincoln Elementary School. Donc, le professeur, l'enseignant en art, Matteo Ruda, voulait montrer à ses étudiants de 6e année des exemples d'art classique qui utilisaient de la couleur. Donc, il a demandé à tout le monde... de regarder une série de cartes postales qui faisaient partie de la classe. Il les avait pas regardées chacune des 100 cartes lui-même, mais il savait donc que la boîte était là depuis quand même longtemps, avant même qu'il soit enseignant, donc que ça venait d'une compagnie éducative. Finalement, certaines de ces peintures-là incluaient de la nudité. Donc, Rueda a été renvoyé pour quelque chose qu'il a même pas acheté lui-même, il a juste utilisé ce qu'il y avait dans sa classe. Bref, il aurait exposé les enfants à de la pornographie. Oh my god! Spécifiquement, si vous cherchez les œuvres d'art, c'est Iris Tree par Amedeo Modigliani et Odalisque par François Boucher. C'était trop pour les gens en Utah, donc... Eh ben, hein, il y a des gens sensibles. Hein? Eh boy. Ouais, bref, Rueda dit qu'il ne savait pas qu'il y avait ses œuvres d'art dans le paquet, sinon il les aurait pas utilisées s'il l'avait su, bien sûr. Ensuite, un homme qui utilise des sacs de croustilles pour ne pas aller au travail pendant plusieurs années. Il s'est fait prendre, finalement, il a été renvoyé. Donc on pensait avoir entendu toutes les excuses pour ne pas aller au travail, mais ici, on a donc... Une façon un petit peu plus inhabituelle. C'est un électricien qui a été renvoyé de son emploi après qu'on ait découvert qu'il utilisait un sac de croustilles pour ne pas aller au travail, donc pendant 2 ans. Ouais, et on a découvert ce qu'il fabriquait après. Donc l'idée qui lui permettait de jouer au golf presque 140 fois sur cette période-là, pendant qu'il était supposé travailler. Il est employé par la même compagnie depuis 20 ans en Australie. Il s'appelle Tom Colella, 60 ans. Donc on a reçu un petit tuyau anonyme disant qu'il jouait au golf au lieu de faire ses tâches, et ses employeurs donc n'avaient pas remarqué pendant très très longtemps. Donc on dit que un assistant numérique personnel, un PDA comme on l'appelle, lui a été fourni pour surveiller l'endroit où il était finalement. C'était surveillé aussi par GPS. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a, j'imagine qu'il a mis ça dans un sac de chips. Ben là, je sais bien pas. Là, parce que c'est pas super dit dans l'article. Je pense qu'il y a une autre page, c'est pour ça. Page 2. En fait, oui, c'est en plein ça, Mathieu. Ouais, c'est ça. Donc, il utilisait le sac de croustilles pour bloquer le tracking de GPS. Donc, ce qu'on appelle une cage de Faraday. Donc, un appareil qui bloque les champs électromagnétiques. L'assistant numérique personnel était placé dans le sac et puis scellé, ce qui empêchait le signal de passer. Après avoir été confronté là-dessus, il a dit que l'appareil fonctionnait mal. La commission du travail en Australie, Fair Work Commission, a conclu que ce truc ne servait à rien d'autre que de l'aider à ne pas aller au travail. Fox News dit que Tom a golfé 21 jours en un seul mois pendant ses heures de travail. C'est pas mal pareil comme le président des États-Unis, ça. Ouais, ouais, ça ressemble à ça. On y pense. Ouais. Bref, les autorités ont essayé de trouver une explication plausible par rapport à ça, voir s'il y avait d'autres raisons pour empêcher le GPS de fonctionner. On dit que son... son sac de prédilection, c'était des Twisties. C'est comme les trucs, pas tire-bouchonnés, mais genre des crottes de fromage, mais au fromage blanc, genre. OK. C'est quand même l'air bon. Bref. Quand même. Il a été renvoyé après une enquête, ce qui a donc arrêté toute cette histoire de sac de chips et de GPS. C'est fou, quand même. Mais le gars est quand même futé. Oui, très futé. Faut y avoir pensé. Pour vrai, il a pensé à ça pas mal longtemps, je pense. Mm-hmm. Ensuite, un autre qui a peut-être moins réfléchi, c'est un genre de casse-cou qui a tombé 62 étages à sa mort. Je l'ai vu. T'as vu ça? Avant, il prévoyait demander en mariage, faire une demande en mariage. C'est sa blonde qui filmait. C'est ça, et il essaie de faire de l'argent pour son mariage, donc c'est ça, il voulait avoir de l'argent. C'est selon le South China Morning News qui lui dit que Wu Yongning, 26 ans, est mort après s'être enfargé, avoir glissé, si on veut, du toit du 62e étage à Changsha, en Chine. Il est mort il y a plus d'un mois, mais sa mort n'a pas été confirmée publiquement avant que ses fans remarquent qu'il avait arrêté de poster des vidéos sur les réseaux sociaux. Sa copine aurait confirmé sa mort sur les réseaux sociaux où avait au-dessus d'un million de suiveurs. Il a commencé sa carrière, oui, en tant que, un figurant dans des films avant de devenir un casse-cou célèbre. Il a essayé cette cascade-là dans un défi qui lui aurait donné l'équivalent de 15 000 $ US. Il était connu pour ses cascades assez dangereuses, selon le New York Daily News. Il a été entraîné en arts martiaux et il avertit les gens de ne pas faire quelque chose de similaire à ce qu'il a fait. Ben, c'est ça. Hein? La vidéo tragique du Daily Mail est disponible dans l'article sur assemblagerequis.com où avait lui-même installé sa caméra pour enregistrer la cascade. Donc, je ne sais pas si sa copine a participé, comme tu disais, dans avoir lu. J'en ai aucune idée. Bref, il pensait réussir, mais non. Ensuite de ça... Ah, wow. Les parents qui demandent une enquête après que leur jeune fille, top modèle adolescente, soit tombée, elle aussi, à sa mort dans une grande bâtisse très élevée d'un qui appartenait donc l'appartement à un couple de swingers. Tu connais les swingers, c'est les échangistes. Oui. Les échangeurs, comment ça s'appelle? Les échangistes. Oui, c'est ça. Les échangistes. Oui, c'est ça. Donc, la très jolie adolescente qui a été trouvée nue sur un balcon le lendemain matin, ses amis avaient aucune idée, disent-ils, comment elle était tombée là. Donc, c'est une modèle, une top modèle hollandaise de 18 ans qui est morte d'une chute mystérieuse d'un appartement en Malaisie. Ses parents croient qu'un couple américain riche en savent plus que ce qu'ils disent. Oh. Selon le Express, Ivana Smith a été retrouvée morte et sans vêtements au sixième étage, donc sur le balcon du sixième étage, dans une bâtisse de Kuala Lumpur, dans le district de Jalan Dang Wangi. Smith était une top modèle qui avait beaucoup de succès, voilà, en Malaisie, où elle a grandi. Elle a été finaliste de l'émission de télé Top Model Belgium. Quand même. Mm-hmm. Donc, selon le Daily News, Smith était retourné à l'appartement du 20e étage, donc avec un multimillionnaire, oui, de l'échange de la crypto-monnaie. De la crypto-monnaie. Crypto-monnaie, tu sais, bitcoins et tout. Ouais. Bref, la dernière fois qu'on a entendu parler de ce couple de la femme, en fait, il était 7h30 du matin, le matin de sa mort, lorsqu'elle a appelé son copain, lui disant qu'elle était avec le couple. L'homme et la femme disent ne pas être au courant de sa chute. La femme dit qu'elle a quitté tôt le matin pour amener ses enfants à l'école, qu'elle est allée se coucher aussitôt qu'elle est revenue. La famille de Smith ne croit pas l'histoire et demande une enquête un petit peu plus profonde. Donc, s'il y a quelque chose de nouveau là-dedans, on va s'assurer de vous en parler. Voilà. Grosse affaire, quand même. Ensuite, une femme... une femme... Mm-hmm. Une femme tue et démembre son mari et ensuite vit avec les parties de son corps pendant plusieurs mois. Selon la police, ça se passe en Ohio. Donc, une femme qui est accusée d'avoir tué son mari en juin et d'avoir vécu avec ses parties du corps pendant plusieurs mois jusqu'à ce que leur fils fasse la découverte. C'est selon WKYC qui nous dit que Marsha Eubank, 41 ans, aurait tué... Faut pas que je respire. Non, c'est ça. Aurait tiré sur son mari, Howard Eubank, 54 ans, plusieurs fois le 13 juin dernier, à la police de Summit County, qui aurait trouvé les restes, bien sûr, de Howard, ont confirmé que les contenants qu'ils ont retirés de la maison avaient ces restes en décomposition à l'intérieur. Ils ont saisi plusieurs articles, dont des outils à main et des outils électriques que Marcia aurait utilisés pour démembrer son mari. Le fils du couple... apparemment découvert les restes de son père dans un bureau que Marcia utilisait exclusivement, donc elle-même. Barry, Barry dit qu'il y a des messages textes envoyés entre le fils et Marcia indiquaient que Marcia lui avait donné comme instruction d'appeler la police. La police a localisé un contenant dans le bureau et deux autres dans le sous-sol, selon la station de police, j'imagine. Donc Cleveland.com qui nous dit que la maison de Marcia... Que Marcia n'était pas à la maison lorsque la police est arrivée et elle a été arrêtée le lendemain dans un stationnement. On n'a pas encore trouvé le motif. L'autopsie devrait avoir lieu bientôt. Mais pour l'instant, on pense vraiment que c'est Howard. Marcia qui a été accusée de meurtre et sa libération financière était à 1 million de dollars pour pas qu'elle puisse s'enfuir. Elle devrait apparaître en cours bientôt selon l'article qui date du mois de décembre. Donc s'il y a quelque chose de nouveau, évidemment, je vous en parlerai. Les débuts de phrase vont être pénibles. Un homme qui a frappé sa femme handicapée avec un camion alors qu'elle le suppliait de lui amener ses médicaments et elle a survécu. C'est une histoire qui vient de Cobb County en Géorgie où un jury a trouvé coupable Walter Gabriel de 56 ans donc d'avoir frappé sa femme avec son camion selon l'Atlanta Journal-Constitution et on parle d'un camion semi comment on appelle ça en français? Un semi-camion semi-camion, on dirait juste une moitié de camion. Ben là, bref, c'est bien pas là. Il est accusé donc, il pourrait passer entre guillemets 170 ans en prison pour plusieurs chefs d'accusation, violence, d'avoir battu sa femme, blessures sérieuses par véhicule, hit and run, partir après avoir commis quelque chose que tu devrais pas commettre. Donc, les procureurs disent que ça a eu lieu en septembre 2015 dans un hôtel. Donc là, j'ai fait le sol là puis arrêté. Ouais après, ouais je pense, ouais, bonne idée Mathieu. Bref, la femme, 54 ans, a dit pendant le témoignage qu'ils ont fait un petit contact visuel avant qu'il lui fonce dessus avec le camion. Le procureur de Cobb County a dit qu'elle ne pouvait pas se tasser, oui, à cause de son handicap, la sclérose en plaques. Elle a eu plusieurs blessures, dont des os brisés dans ses jambes, ses pieds et le torse. Mais à la place de rester, il est parti, d'où le hit and run. Donc, l'État dit qu'il ne l'a jamais même visité à l'hôpital, que ses actions étaient très fortement, potentiellement, probablement malicieuses. Il savait ce qu'il avait fait. Voilà. Donc, on dit que... la femme qui passait du temps avec Gabriel beaucoup dans le camion, en fait, pour des voyages d'affaires et un voyage qui avait mal tourné, elle l'a confronté par rapport à une maîtresse possible qu'il avait peut-être, présumément, après avoir posté des photos de cette femme-là sur Facebook. Bref, ça a pris de l'ampleur et il est entré dans le camion pour s'en aller. Sa femme l'a suivi, lui suppliant de lui amener ses médicaments dans le camion. Et donc, bref, elle s'est mise devant le véhicule pour pas qu'il continue d'avancer. Puis, ben, il l'a fait quand même. Voilà. Wow. C'est tout pour ce bloc d'après le crime. C'est tout pour ma voix, je pense. Oui, aussi. Ça allait vraiment bien au début de l'émission, je trouve. En effet. Merci. Je confirme. Oui. On s'en va entendre une pièce du palmarès, du vieux palmarès. J'ai envie d'aller entendre du vieux stock encore. On aime ça ouais, de temps en ben temps ouais. du vieux stock. On adore ça. On adore ça. Donc, on écoute The Andy Kaufmans avec Inked Heart. Et puis, on revient avec un troisième bloc de Tanya Is Gonna Entertain You. Pas pire, ça. Mm-hmm. J'aime ça, ça. C'est bon, ça. Ouais. Cool. De temps en temps, jusqu'à 10h. I had a feeling you'd come around. Steps stomping the ground, and my heartbeat racing when you're near. Was lost, now I'm found. And when I'm floating above the ground, I can see it all over town. When I speak, no words come out, 'cause I'm a tongue-tied, twisted up. Avec Inked Heart à Assemblage Rocky. On prend une pause au retour. Tanya is gonna entertain. Aujourd'hui. C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Vous êtes toujours dans l'émission matinale Assemblage requis, accompagné de Mathieu Plante. Ouais, c'est bon, cette émission-là est Tania Baudin. Oui, ben oui. Dans quelques minutes, tu vas nous parler de 2018 et comment faire un meilleur 2018 que 2017, c'est ça? Ouais. On va essayer, en fait, je peux rien garantir, on ne le saura pas avant la fin de l'année 2018, on Mathieu. Va le tester nous-mêmes. Mais en tout cas, moi le tester. OK, bon, ça s'en vient, mais avant ça, Dollhouse par The Pack AD, tout de suite. Et ça me rappelle, est-ce que t'as vu le meme? Je pense que je t'en ai déjà parlé. Lequel? Celui des deux gars, genre, là, dans l'époque ancienne avant Jésus-Christ. Oui, tu m'en as parlé, oui, oui, oui. Puis là, il dit, c'est genre le New Yorker qui fait ça, puis c'est genre marqué en dessous, « Ah, j'arrête pas d'écrire avant Jésus-Christ sur mes chèques, maudit. » À date, ça va bien. OK. Bref, Assemblage requis jusqu'à 10 ans. Where do we go from? Pack 80 avec Dollhouse à Assemblage Rocky. Je te demandais tantôt, Tania, comment ça se fait que quand je tousse, que je tousse fort, j'ai comme un drôle de goût dans l'œsophage. Mm-hmm. Et toi, madame, je cite absolument tout ce qu'il y a à savoir dans la vie. Tu m'as répondu ceci, et je cite. Mais ton œsophage est irrité. C'est ça. Ça goûte le fer. Exactement. Maintenant, je le sais grâce à toi. C'est probablement ça. Okay, mais tu je peux bullshit. Pas te garantir. C'est bullshit, mais ça a l'air vrai. Ben, c'est parce qu'en fait, si ton œsophage est irrité, ça veut dire que peut-être que t'as un petit peu de sang dans l'œsophage. Le sang goûte le fer. Ça a bien du sens. Même si c'est probablement n'importe quoi. Ça. Ben, probablement pas, en fait. Fiez-vous pas nécessairement sur ces informations-là, mais fiez-vous sur ce qu'il y a dedans cette chronique que voici à l'instant. Voici Tania is gonna entertain ya. Troisième fois, je chante-tu vraiment? C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. She's gonna entertain ya. Ouais, c'est une chance que t'as pas une quatrième chronique aujourd'hui. Non, en effet, une chance. On parle de... Ben, pas de résolution. Non, ben... Oui et non, parce que c'est pas vraiment une résolution. En fait, c'est plus pour changer ta vie en 2018. Mais ta résolution, c'est d'améliorer ta vie. Ouais, c'est ça. Bon. Ben, ça dépend. Si ta vie a été de la chenoute en 2017... Lève la main! On est vraiment beaucoup à lever la main. Je sais pas pourquoi. J'ai fait le tour des réseaux sociaux. Que ce soit les gens près de moi, que ce soit les personnalités connues, il semble y avoir peu de gens qui ont eu une année 2017 incroyable à part Jay du temps, tu sais. mais on vient de passer au travers du temps des fêtes. Ouais. C'est une période quand même assez réjouissante. Et pour la plupart, c'est un temps propice aussi aux réflexions, aux remises en question, aux grandes solutions de la vie. Et c'est peut-être même aussi synonyme d'amertume selon l'année qu'on vient de passer pour certains, surtout si on a l'impression d'avoir, par exemple, la dernière année encore un petit peu de travers pas mal partout dans le corps. Dans l'œsophage. Aussi, donc si on fait partie de ceux-là et si on ne veut pas nécessairement avoir de résolution, mais qu'on veut améliorer notre vie, bien, j'ai peut-être quelques idées pour vous, en fait, parce que justement, peut-être que vous avez passé un temps des fêtes qui était un petit peu plus maussade, peut-être que vous vous êtes senti un petit peu plus comme le Grinch. Et quand vient le temps de lever votre verre durant le temps des fêtes, bien, vous n'aviez pas nécessairement beaucoup de plaisir à le faire. Tellement. Parce que si vous regardiez votre année 2017, c'est pas mal, comme je le disais, c'était pas mal de la chenoute. Ouais. Mais cette année, mesdames, messieurs, ça va changer. Ça a l'air sérieux, ton affaire. Ça va changer. Okay. Si vous voulez que ça change. Oui. Parce que en fait, au lieu de subir votre vie, vous allez un petit peu plus la prendre en contrôle. Peut-être ce que vous avez oublié de faire en 2017 ou ce que vous vous êtes moins donné le goût de faire en 2017. J'ai un petit guide assez facile pour vous si vous désirez parvenir à passer au travers de 2018 d'une meilleure façon que vous avez passé au travers de 2017. C'est une méthode qui a été testée et approuvée par plusieurs, sachez-le. Ah. Donc, étape numéro 1... Peut-être que j'ai du temps un peu là-dedans. Étape numéro 1, c'est le bilan de fin d'année. Ouais. Je pense que le bilan de fin d'année, c'est assez important pour tout le monde. Puis qu'est-ce que t'as vécu, tu mets ça au feu, c'est ça? Peut-être, mais on prend pas nécessairement souvent le temps de nous arrêter et de faire une rétrospection sur nous. Rétrospection sur nous, ça veut dire introspection, pour ceux qui comprennent pas, ça veut dire se regarder soi-même, okay. Pas rétrospection ses autres, OK? Non. Introspection. C'est le fun de juger, mais... Exactement. C'est une période de l'année aussi qui est l'occasion parfaite pour le faire, souvent le temps de l'année ou le début de la nouvelle année. Donc, de grâce, ne vous laissez pas intimider par le mot « bilan ». Ça sonne lourd. C'est un exercice qui peut être lourd, mais c'est surtout agréable. OK? Parce qu'on va se rendre compte de ce qu'on veut changer. Ouais. C'est le premier pas vers le changement. Et l'objectif ici, c'est de bien comprendre ce qui a pu vous aider ou vous nuire au cours de la dernière année. C'est surtout ça qu'on veut comprendre. Pourquoi 2017 a tant mal été? Ce que tu contrôles, il y a des trucs que tu peux pas contrôler. Exactement. Ça fait que si vous vous habillez en mou, si vous préparez un petit breuvage chaud comme un café ou un chocolat chaud, vous allez vous mettre confortable, vous allez vous mettre dans un décor, dans un endroit où vous êtes à l'aise de pouvoir réfléchir. C'est surtout ça qui est important. Et vous allez vous accorder le temps aussi qu'il faut pour répondre par écrit à certaines questions, une par une, sans stress, et surtout, vous allez être honnête avec vous-même et vous allez laisser les réponses venir comme elles arrivent. D'abord, on va commencer par le positif. Vous allez commencer par les questions positives, c'est-à-dire la première, cette année, de quoi est-ce que vous êtes fier? Là, vous allez répondre à ça. Bien évidemment, vous l'écrivez. Okay. Ouais. Quels ont été vos coups de cœur de l'année 2017? Quels ont été vos plus beaux moments en 2017? Tu vois que Tania ne répond pas aux questions en ce moment. Alors, qu'est-ce que vous avez appris d'utile en 2017? Chose très importante, rappelez-vous. Et qu'est-ce que vous avez appris sur vous en 2017? Ensuite, on fait place à l'amélioration et au changement. Ce qu'on appelle communément le négatif. vous allez répondre à deux questions très faciles. Juste deux? Juste deux. Qu'est-ce que vous avez trouvé difficile? Et qu'est-ce que vous aimeriez changer? Ouais. L'intérêt, en fait, de l'exercice, c'est que vous allez apporter et que vous allez amener un regard qui va être nouveau sur votre situation. Elle va vous sembler beaucoup plus claire et surtout, vous allez voir que c'est pas insurmontable. Vous allez surtout être capable aussi de penser différemment que ce que vous avez pensé en 2017 parce que vous étiez pris dedans. L'étape numéro 2, très facile, vous allez planifier votre changement. C'est-à-dire, vous avez maintenant une vue d'ensemble sur le moment actuel et sur le moment passé en 2017. À présent, de quelle manière est-ce que vous allez vous y prendre pour avoir une année meilleure ou une année à la hauteur de vos attentes? Tu veux pas une année égale. Tu veux pas une année égale parce qu'ils viennent de dire que 2017, c'est de la chenoute. Tu veux que ça soit meilleur ou tu veux que ça soit une année à la hauteur de tes attentes? C'est-à-dire que tu t'attends à beaucoup de choses, beaucoup de changements. Faut travailler pour. Oui. Première étape, vous allez cibler vos priorités. Pas le choix. Parmi ce qui ressort de votre brainstorming, de vos petites questions, qu'est-ce qui serait pertinent de changer en premier? Souvent, il y a un élément qui se trouve à la base de plusieurs difficultés. Il faut le repérer. Il faut agir sur celui-ci d'abord pour être efficace. Et c'est l'élément qui va déterminer le but à atteindre cette année. Là, on dit d'atteindre un but, pas 42, hein, ouais, s'il vous plaît. Focus. C'est ça, focus. Focus et vous allez formuler vos objectifs. Par exemple, si vous avez des résolutions, oubliez ça. Les résolutions... ça tient jamais, ça. Les résolutions de la bullshit, ouais, là, vraiment, ça ne fonctionne ouais. pas. Pensez plutôt en termes d'objectifs. Parce que lorsqu'on parle de termes d'objectifs, bien, l'objectif a l'avantage d'être concret, ça a l'avantage d'être clair et ça a l'avantage d'être précis. Par contre... c'est toutefois super important d'en limiter le nombre. Allez pas vous donner 42 objectifs, comme je le disais tout à l'heure. Plus vous en fixez, plus ça va être difficile de les atteindre tous et vous allez risquer aussi de vous décourager. Oui. Donc, selon l'ampleur de votre grand but à atteindre en 2018, c'est à vous de prévoir un nombre adéquat d'objectifs. Par exemple, il faut faire attention, il faut les rédiger. Les écrire. Les écrire. Ils doivent être observables et mesurables afin de savoir de manière précise si vous êtes en train de les atteindre ou non. Est-ce que tu dirais genre de dire tes buts à tout le monde, comme ça si tu réussis pas, tu vas te sentir mal d'avoir laissé tomber tout le monde? Moi, personnellement, je serais pas du genre à faire non, ça. Je serais du genre à me garder un tableau quelque part. Ouais. Un tableau que je vois, par exemple, à tous les jours, que ce soit affiché dans mon miroir ou que ce soit affiché sur le dos de ma porte, peu importe, sur mon frigo, whatever. Sur le dos de ma mère. Sur le dos de ma... le dire à tout le monde, ça fait aussi en sorte que vous allez avoir le côté négatif si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Ouais. Mais si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, ça ne veut pas nécessairement dire que vous n'avez pas fait le travail nécessaire pour y arriver. Ça veut peut-être dire qu'il est arrivé quelque chose en lien avec tout ça aussi. Il faut réaliser que le travail, il est fait pour vous, avec vous et surtout... pour vous. Okay? C'est ça. Donc, la raison du pourquoi vous n'allez pas le dire à tout le monde, c'est que c'est vous qui allez travailler dessus, pas personne d'autre. Mm-hmm. Est-ce que tu verrais la différence entre une résolution et un but? Disons, par exemple, qu'une résolution, ce serait « je vais m'entraîner plus souvent ouais. » et un but, ce serait « je vais perdre tel poids ». C'est quelque chose de plus précis. Ou « je vais m'entraîner ouais. trois fois par semaine », quelque chose de spécifique. Exactement. C'est ça, la différence? Okay. Ça serait pas mal plus ça, je te dirais. Okay. La troisième étape aussi, c'est de s'organiser. C'est bien beau réfléchir à nos objectifs, mais si on ne voit pas nécessairement le progrès, ça sera pas plus convaincant que les résolutions poches de l'année passée. T'sais, ça revient un petit peu au même, comme tu viens de le dire. Donc, pour que la démarche soit profitable et si vous voulez très bien changer votre vie au courant de la prochaine année, vous devez découper vos objectifs en actions que vous allez accomplir au fil des mois. Étape 1, étape 2. Exactement. Ces actions-là, ce sont des défis à relever. Par exemple, si on reprend l'objectif d'essayer une nouvelle activité par mois, bien, vous allez pouvoir faire une liste des activités qui vous intéressent et les inscrire à votre agenda à l'avance. Ben oui. Si vous décidez plutôt, par exemple, d'économiser un certain montant d'argent durant l'année, bien, vous allez faire votre plan d'épargne. Vous allez ouvrir un compte, vous allez planifier vos virements, vous allez faire en sorte que chaque mois, il va y avoir une action qui va être faite par rapport à ça. Et ça se fait encore mieux quand ça se fait tout seul. Exactement. Ça. Vous allez garder des traces des défis que vous relevez. On vous le garantit. Si vous en êtes fier, lorsque vous allez être fier en fait lorsque vous allez voir le chemin que vous avez à avoir parcouru à la fin de l'année et que vous allez refaire une introspection. Ah oui. Donc, si vous êtes du genre papier-crayon, bien, utilisez la méthode journal. C'est une des très bonnes méthodes qui fonctionne bien. Avale pas la clé. Exactement. À la fin de l'année, c'est beaucoup plus facile aussi d'évaluer la réussite. Et pour en savoir plus sur la méthode, en fait, de changer votre vie, bien, il y a beaucoup de choses que vous pouvez observer sur Internet, que vous pouvez regarder, que vous pouvez fouiller. Pinterest aussi, c'est une source d'inspiration redoutable pour les petits journaux, sachez-le. Il y a manière aussi de suivre votre évolution. C'est à vous de choisir si vous êtes plus technologique. Il y a plusieurs applications de calendrier qui va garder des choses en mémoire. Donc, ça va être autant profitable pour vous si vous êtes technologique ou si vous êtes plus papier-crayon. Et c'est un exercice de réflexion qui est quand même assez formidable parce qu'on en sort avec la conviction d'avoir le contrôle sur sa vie. Et c'est ça qu'on cherche à avoir en 2018, contrairement à 2017. C'est de justement faire un changement au niveau de notre vie. Et si on fait un changement, c'est nous qui décidons, c'est personne d'autre. Notre principal avantage aussi, c'est la motivation. On est motivé à vouloir changer 2017 qui a vraiment mal été. Donc, la motivation, l'action va apporter les changements qu'on souhaite tant voir en 2018. On se dit que ça peut être quand même assez difficile, mais non, c'est bien simple. Vous écrivez, c'est tout. Et par la suite, vous allez faire des changements dans votre vie. Si vous êtes du style à devoir relire à chaque semaine, bien allez-y, relisez à chaque semaine ce que vous avez écrit en début d'année. Et vous allez voir aussi peut-être qu'au fil de l'année, vos objectifs vont changer selon les désirs que vous avez de ce que vous voulez accomplir. C'est des choses qui arrivent. Vous allez peut-être laisser tomber un objectif pour mettre beaucoup plus d'ampleur sur un autre. C'est ce qu'on appelle faire le changement de la résolution à l'objectif. Ah. Pour certains, changer sa vie veut aussi dire changer son alimentation, tout ça. Il y a plusieurs personnes qui se lancent dans le mois du véganisme en janvier. Donc, c'est un challenge, en fait, de devenir vegan pour un mois pour voir qu'est-ce que c'est. Vous pouvez, à la fin, tout simplement décider de rester vegan ou de tout simplement retourner un petit peu à vos bonnes habitudes. Mais ça va être quoi les tendances 2018 en termes de nutrition, Mathieu? Qu'est-ce qu'on va manger en 2018? Bien, justement, les tendances, c'est pas mal au règne végétal. Les produits d'origine végétale, ça gagne du terrain dans notre assiette. Pour notre plus grand plaisir, sachons-le, parce qu'on va voir un petit peu en 2018 du végé partout. C'est-à-dire le végétarisme et le végétalisme, ça va être omniprésent en 2018. On peut se demander si les raisons qui motivent les gens sont bonnes, mais la tendance bifurque pas. Donc, on va recevoir les milléniaux, par exemple, au gigot. Bien, c'est une opération quand même assez risquée. Allez-y plus avec des légumes. T'sais, c'est ressortir les légumes. Quiconque ouvre un restaurant ces temps-ci se lance en transformation alimentaire ou publie un livre de recettes, un magazine ou un blog qui doit contenir au moins un nombre incroyable, grandissant de consommateurs de légumes. Mm-hmm. Donc, on va en voir de plus en plus en 2018. Par la suite, on va voir aussi le sans quelque chose. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il y en a qui honnissent le gluten. Pour d'autres, les produits laitiers doivent être chassés. Il y en a d'autres, c'est le sucre, donc sans sucre. Sans produits laitiers, sans gluten. De plus en plus de consommateurs veulent pas quelque chose dans leur aliment, donc de ceci ou de cela. Et les restaurants se montrent de plus en plus conciliants aussi. Donc, il faut falloir commencer à poser la question en restaurant. Avez-vous l'option sans produits laitiers? Avez-vous l'option sans gluten? On le voit de plus en plus à cause des allergies. Surtout le gluten, je vous dirais. Pas mal moins du côté des produits laitiers, mais ce sont encore des questions qui se posent et elles sont peut-être mieux reçue qu'elle l'était aussi dans le passé. C'est ça. J'aimerais qu'on arrête de se justifier et dire « Ah, t'sais, c'est parce que je suis allergique alors que tu l'es pas vraiment. » T'sais, ils n'ont pas besoin de savoir la raison que tu n'en veux pas. Exactement. Ça devrait être normalisé. Oui. De pouvoir demander quelque chose sans quelque chose. Tout à fait. Je trouve. Comme je le disais tout à l'heure, les légumes, ça se surpasse, donc on va en voir un petit peu partout. Mais on a aussi des tendances rupture-renaissance. Donc, on va arrêter pour changer. Partout, on va dire, par exemple, qu'on arrête pour mieux recommencer, que le désir change, de changement domine. Donc, on va voir de plus en plus en 2018 des challenges. Comme là, je viens de vous parler du challenge vegan pendant le mois de janvier. Par la suite, il va probablement ravoir en février le challenge un mois sans alcool. Il y a en janvier aussi le dry January en ce moment. Tout à fait. Tous les mois peuvent être secs. Tous les mois peuvent être secs et vous allez en voir vraiment beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on arrête? Parce qu'on veut voir un changement dans notre vie. Et pourquoi est-ce qu'on le fait sur un mois? Parce que ça prend 3 semaines à voir le changement et l'habitude dans une vie. Plus précisément, vous pouvez continuer, bien évidemment, votre changement si vous aimez. Et c'est ce que la plupart des gens vont voir aussi en 2018. On va voir des nouvelles recettes, du changement culinaire de ce côté-là. Donc, on va voir certaines approches qui vont être différentes. On a bien évidemment une pénurie de main-d'œuvre dans les restaurants au Québec et les demandes de travailleurs américains de la restauration rapide ont un changement aussi parce qu'on a moins de gens du côté de la restauration rapide, mais on va peut-être voir une augmentation de la restauration rapide santé. Ah oui, j'aimerais ça. Ben oui. Donc, 2018, ça semble être la tendance là, où on va vouloir mieux être, tout simplement. Ouais. Et du côté des ingrédients, bien, en 2018, on veut plus de légumes locaux dans les marchés publics. On veut plus de légumes bio dans nos assiettes. Les femmes chefs, à la une des journaux et des magazines, on va en voir de plus en plus parce qu'elles ressortent de plus en plus. Si vous voulez vraiment là, des ingrédients ou des mets clés pour 2018, les vins naturels vont faire quand même une grande sortie en 2018. Les fromages québécois à des prix raisonnables. Le sirop d'érable, ça va être pas mal un aliment là, qu'on va voir et revoir cuisiner en 2018. Avec modération. Exactement. Les produits transformés à partir de légumes qui sont moches. Et là, quand on parle de légumes moches, c'est pas qu'ils sont pourris, c'est qu'ils sont les moins beaux de la gang. Ils sont croches. Ils sont croches, ouais. Exactement. On va voir beaucoup de récupération alimentaire. Et les repas en kit, là, prêts à cuisiner, biologiques, ouais, naturels, locaux, ça va ressortir en 2018. Et on veut moins de gens qui mangent juste pour pouvoir mettre en ligne des photos sur Instagram. Oh. On veut moins de charcuterie aussi. On veut moins de vin industriel. Pourquoi? Parce que c'est fait avec des raisins aux engrais et aux pesticides chimiques. C'est pourquoi en 2018, on va vouloir voir des vins qui sont beaucoup plus naturels. Donc, moins de pesticides, moins de mal de tête. On va voir un petit peu moins de salade de betterave aux chèvres aussi parce qu'on en a eu notre dose en 2017. Et on va voir aussi moins de mac and cheese réinventé. Ben voyons donc! Ben apparemment... J'étais content, moi, les mac and cheese. C'est les tendances, Mathieu, qui devraient suivre pour 2018. Ben voyons donc. C'est super intéressant comme toujours ça. Je l'espère. Merci Tania. Fait plaisir. Ah, il nous reste une petite dizaine de minutes avant la fin de l'émission et peut-être même si full sexe. Peut-être. Si tout va bien, si tout va bien. Ah, mais avant ça, l'année qui vient de se terminer était pas mal un gros déchet. Rock and roll. C'est ça, un déchet. Ouais, ouais, ouais. Comment dire, des vidanges. Mm-hmm. Hein? Hot trash. Mais on va se donner une autre chance, one more chance de hot trash tout de suite. Assemblage requis sur C'est fou. We'll be right back. c'était Hot Trash avec One More Chance. Assemblage requis. Et je regarde ça. Ouais. C'est pas mal là-dessus qu'on va finir ben, ça, cette petite émission. Je pense que oui. Ben oui, on a fait nos 3 heures ensemble. On a eu du fun quand même, malgré l'absence d'invités aujourd'hui. Certainement. Ça arrive. Demain, à l'émission, si tout va bien, mardi, on aura Justine Renaud à 7h30 pour sa chronique Justine Pertine. À 8h, la chronique Sport et Philosophie avec Marc-Olivier Dumas. À 8h30, Voix d'Afrique avec Dominique Nop-Mavungu. Et à 9h, on va déboulonner les mythes de la gauche avec Jimmy Thibodeau dans Gauchère avait vu. C'est demain entre 7h et 10h. Sur nos ondes aujourd'hui, ben, comme c'est le début de la session, je ne sais pas quoi annoncer, mais on sait qu'on va avoir Rock Classique en après-midi à partir de 13h et on probablement même Rock de Neuron à 20h, l'émission de rock progressif. Habituellement, ça devrait être là. Donc, c'est fou.ca pour la programmation complète. Merci beaucoup, Tania Baudin. Merci à toi, M. Plante. Assemblagerocky.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Et on se retrouve demain, 7h, on se quitte avec Philippe Braque et la fin du monde. Certainement. Bye-bye. Bon café, tout le monde. Place.